Bonjour et bienvenue sur Radio France, n'est-ce pas? Radio monopolisée par le Front National de la Radio, n'est-ce pas? Je suis content de vous recevoir aujourd'hui pour parler de choses qui nous inquiètent vraiment, n'est-ce pas? Jeanne! Je viens de me tuer l'écran de vocal. Bien sur fait, le pour Jeanne. Ta gueule! Bien fait, ta gueule! Sur le Jeanne, tout est parti là. Ouh! Ah, t'as tout envoyé, hein, sur le Jeanne. Wouh! Ouais. Le mec qui s'est mis vas-y quoi, vas-y ma gueule, je mets tout sur le Jeanne. C'est ça, j'envoie tout sur le Jeanne, mais j'ai mal. Ah, je me suis arraché limite, ouais, non c'est. Voilà, j'ai mal. J'ai mal. C'est bien fait pour j'ai ta mal. Gueule. Bonjour à tous. Et après, bonjour, c'est... bonjour, bonjour. How you doing? Doing. How do? Habibi, voilà Bibi, voilà. Ce qui ne veut rien dire. Ah oui, voilà, exactement. Exactement. Comment allez-vous tous? Moi, je vais bien. Ah, hey. Bof. Hein. Bof. T'es aussi ouais. Bof. Ouais. Ouais. Ouais, parce que bah moi en fait j'avais envie de. Enfin moi on m'a imposé le thème d'aujourd'hui. C'est marrant parce que moi aussi on m'a imposé le thème d'aujourd'hui. Ah ouais, parce que moi tu vois j'avais contacté le mec qui fait l'émission avec moi, je lui ai dit écoute mec, moi je parlerais bien de Five Nights at Freddy's. Eh ben j'ai contacté le même mec que toi, à mon avis. Il m'a répondu la même chose que toi, je présume. Que non, ah ouais. Pour l'instant. Ben c'est ça, pour l'instant, faut pas le faire. De toute façon, c'est moi qui décide, je suis un enculé. Ces mots, hein. C'était littéralement ce qu'il y avait dans. Oui, littéralement, oui. Non, bon, et moi, il a été plus. Voilà, mais ça reste la même idée. Hein. Donc du coup, ouais. On. On m'a un peu obligé à parler de ouais. Du truc, lui il voulait qu'on parle mais que en fait nous on partait pas là-dessus. Ouais carrément, enfin moi c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé. Enfin je veux dire je l'ai vu 4 fois déjà. Dont 2 rien qu'au ciné. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bah en fait, je suis allé le voir la première fois avec ma copine à la Saint-Valentin. Ce qui était une très bonne idée d'ailleurs. Ce qui était une très bonne idée parce qu'elle a énormément aimé. Et 3 jours plus tard, j'ai un pote qui m'a envoyé un SMS en me disant « Écoute mec, j'ai pas vu, est-ce que tu veux qu'on aille le voir ensemble ?» Et je lui ai dit « Ouais. » Et donc je l'ai revu. Et même constat au deuxième visionnage qu'au premier, et puis depuis je l'ai revu 2 fois. Mais pas au ciné. Ouais. Et pas dans la même langue parce que mon ciné ne diffuse qu'en VF. Et là, je l'ai vu en VO. Et alors? Et ben même constat. Ça passait pas. Ah ouais, non, ça passe pas du tout. Ah, moi je rigole pas. Hein. Ah, ça me fait pas du tout marrer. Hein. Pas une seule fois. Hein. Pas ri une seule fois. Ah, pas une seule fois. J'ai pas ri une seule fois. C'est. Non. Comme toi, je sais que t'es allé le voir, tu m'as envoyé un message en me disant, mec, c'était pas drôle, quoi. Ah oui, c'était pas drôle. Bah non, c'est de la merde. Me suis fait chier, mais alors. On s'est emmerdé, hein. Ah, mais ouais. On s'est bien fait chier tous les deux, hein. C'était. Ah oui, non. Ah bah c'était long. C'était long, c'était chiant, c'était. Ouais, c'était combien? 1h30, 2h? Bah, si on compte à la fin du film avec le petit truc de fin, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Attends, je l'ai toujours là. Où est-ce qu'il est? Moi, je l'ai à... Ah, 1h47, ouais. C'est long, hein. C'est long quand tu te fais... Ouais, c'est long quand tu te fais chier, quoi. C'est... Puis, moi, je m'attendais pas non plus à quelque chose de grandiose, quoi. Je m'attendais quand même à quelque chose de bien, et là... Oh, déception. Ah ouais, non, moi, je m'attendais à quelque chose de bien, et puis non, quoi, c'est... C'était extrêmement mauvais. Hein. Tristitude. Hein. Tristitude. Et de ouf. Et là, je pense qu'on a déjà perdu la moitié des auditeurs. Voilà. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui branle les deux couillons? Ils sont en train de se dire, mais putain! Mais vos gueules! Vous avez pas aimé Deadpool? Un enculé! Ah, mais tu parles de Deadpool! Ah bah oui! Mais je pensais que tu parlais du truc là qui est sorti. Voilà, mais c'est pas ça. Ah bah Batman versus Superman. Ah oui, non, ça c'est de la merde. Ah oui, parce que moi je l'ai pas vu, donc du coup Ah oui, non mais oui. Non mais là c'est vrai. Non, je pense qu'on parlait pas du bon, parce que moi j'ai rigolé comme un gros porc dans la salle. Ah bah moi aussi. Ah bah, ça va, entendu. Ça me rassure parce que j'étais à deux doigts de partir là. Ah bah attends, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour qui, voyons? Oh, je t'ai pris pour personne. Non mais du coup Deadpool. Ah bah oui. Qui est une bonne surprise au final. Bonne surprise, je sais pas. Bonne surprise, très sincèrement, je sais pas. Bah bonne surprise, oh, tu te dis bon je vais voir un film puis advienne que pourra. Alors moi je suis pas du tout parti dans cet esprit là. C'est l'esprit dans lequel plus ou moins est partie ma copine en fait. Parce que je l'ai vraiment amené. Alors vraiment, hein, c'était pas une blague. Je l'ai vraiment amené au ciné voir Deadpool le jour de la Saint-Valentin. Ils sont d'accord. Notre soirée de Saint-Valentin, ça a été KFC Deadpool. Grosse Saint-Valentin, tu vois. Mais le bonheur réside dans la perception de chacun. C'est ça. Qui ne veut absolument rien dire, mais si, voilà. Si, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'était très... Si. Si, j'ai compris l'idée. Tu veux... Non, mais... Mais... Si, parce que par exemple, pour nous, je sais que je pense que ta copine, tu lui aurais fait le même coup, l'inviter au KFC à aller voir Deadpool le jour de la Saint-Valentin, elle aurait kiffé aussi. Et donc Deadpool. Oh putain, merde. Mec. Ouais, non, c'est vrai, ta meuf, ah, non. Ta meuf, pour la rendre heureuse, tu l'as mienne à des concerts de Maître Gims, s'il te plaît, quoi. Oui, là déjà, je suis plus sûr de taper dans ce qu'elle aime. Non. Non, c'est pas trop son délire, tu vois. Elle m'a plusieurs fois proposé d'aller voir Batman vs Superman parce qu'elle sait que j'aime bien. Mais elle a réussi tout le temps à passer, tu vois, genre McDonald's, comme ça, hop là. Ouais, c'est ça, genre, on va voir Batman vs Superman. Ouais, ah, j'ai envie de faire caca. Bah écoute, je te retrouve à la fin du film. Non, mais du coup, on y est jamais allé parce que c'était jamais le bon moment, elle était fatiguée. Ouais, elle fait sa meuf, quoi. C'était compliqué. Je sentis qu'elle était pas motivée, donc j'ai dit, laisse tomber. Ce que je vais faire, c'est que laisse tomber. J'attendrai qu'il sorte en Blu-ray. Puis voilà. Merde. C'est ça. Non, mais oui. Oui, non, moi, ma copine a kiffé. Non, moi, ma copine est partie en se disant, je connais que très peu Deadpool. Elle connaissait quand même un peu. Ouais. Principalement parce que je lui en parlais à mort. Mais moi, je suis parti. Alors, je suis pas un fan absolu des comics. Je suis pas un fan absolu, j'ai pas lu tous les numéros, tout ça. Mais je connais bien le personnage, j'ai lu plusieurs comics, donc je vois comment est le personnage. Et j'aime beaucoup le personnage, tu vois. J'aime beaucoup le personnage des comics. Et j'avais peur que le film ait un peu de mal, tu vois. Parce qu'en comics, tu peux te permettre plus de choses qu'au cinéma. Mais comme oui, bah oui, bah c'est ça, c'est le problème du cinéma, hein, c'est que la fin limite les moyens. Ce qui ne veut Voilà, absolument et rien dire, mais. bah si, parce qu'un film n'a pas la même un film n'a pas la même construction qu'un comics, on verra ça alors quand l'épisode sera diffusé, il sera déjà sorti, je pense. Mais Civil War, Oui, va y avoir une c'est un peu énorme la tristesse, différence. hein. Va y avoir une énorme différence entre les comics et le film. Hein. Je vous le dis direct, le film n'est pas sorti, parce que là, nous, on enregistre, on n'est même pas le 10 avril, donc le film n'est même pas prêt de sortir. Il sort dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je crois. Ça va pas être pareil du tout. Faut pas s'attendre à ce que le film soit pareil. Et je sais sincèrement pas si j'irai le voir, celui-là. Je suis déjà pas allé au ciné voir les Avengers, les Captain America, les Thor, les Iron Man. J'ai vu. À part les Amazing Spider-Man et Spider-Man 3 et X-Men 3 aussi, j'ai vu aucun Marvel au cinéma. À part Deadpool, mais Deadpool c'est pas un Marvel. Et maintenant que j'y pense, j'ai techniquement vu aucun film Marvel au cinéma. Ouais. Parce que les Amazing Spider-Man et Spider-Man 3 c'est Sony et X-Men 3 c'est la Fox. Et Deadpool c'est la Fox aussi. Et c'est les seuls films Marvel en soi que j'ai vu au cinéma. Donc la question se pose même pas, j'ai vu aucun Marvel au cinéma. Et ça va être clairement différent des comics de base. Il y aura pas la même structure, il y aura rien qui se ressemblera. Donc je savais en y allant que le travail d'adaptation c'est très dur et tu peux pas faire un film qui ressemble à un comics parce que il faut, contrairement à un comics ça fait pas beaucoup de pages. C'est combien? C'est 128 pages, je crois, un comics. Ouais, une bêtise du genre. Il me semble que c'est 128 pages. Je dis peut-être une connerie, hein, c'est peut-être moins, c'est peut-être 64 ou, enfin, tu vois. Ouais. C'est assez court, c'est toujours assez court, surtout aux USA, parce que nous, en France, chez nous, ça sort tous les mois, un comics, un Spider-Man va sortir tous les mois, et il regroupe les 4 comics sortis en Amérique chaque semaine. En Amérique, les comics sont très courts. T'achètes ton comics, tu vas l'acheter, allez, 2 $, ce qui est une misère, mais tu vas avoir une dizaine de pages seulement. C'est vrai. C'est très très court, c'est extrêmement court les comics américains. Donc, même nous, ceux qui sortent à la fin du mois, ou au début du mois suivant, peu importe comme vous voulez, mais ils nous bénissent en sortant les 4 d'un coup. Et en haussant le prix du coup, mais c'est clair que ouais, fou, tu fais voilà, je pas cool, je pas cool quoi en soi. Et du coup moi j'y allais avec cette appréhension de me dire: un film et un comic, c'est pas basé sur la même chose, parce qu'un film, il faut que ça dure entre 1h30 et 2h, voire plus. Pour certains films, il me semble que Civil War va durer 3 heures, je crois. 3 heures, bordel! 3 heures. 3 heures! Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est 3 heures, donc je me dis putain! Là, le Deadpool faisait, bon, on va dire 1h30, en oubliant les crédits. Donc oui, là on se dit putain, ça va faire mal quoi. Moi je me suis dit, est-ce que, enfin, j'y allais avec beaucoup d'appréhension. Et je crois que toi et moi, on a eu la même réaction au même moment. Je crois que toi et moi, on a eu la même réaction au même moment. Ça dépend quel moment. Le tout début, les premières minutes, on s'est pissé dessus de rire. Oui, bah oui. Je crois que là-dessus, on est bien d'accord. Dès le début, on s'est pissé dessus de rire. Oui. C'est-à-dire que le comment le moi il y a eu vraiment deux trucs. Alors c'est horrible, hein. C'est horrible, mais j'ai été rassuré dès les premières minutes du film. Ah non, vous voyez le 147 minutes pour le Civil War, donc 2h25 en fait. En comptant les crédits, donc ouais, 2h. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Non mais voilà. Moi j'y suis très sincèrement allé. Avec vraiment une appréhension, et dès les premières minutes du film déjà il y a eu le générique, truc qui ne se faisait plus depuis des années, mais qui a une place quasi primordiale. Il y a eu par contre, alors moi je sais, tu l'as vu en quoi toi? Je l'ai vu en quoi, c'est-à-dire en français, en anglais, en japonais, en français. D'accord, donc avec en japonais ça a été compliqué. On ne sait jamais, hein, japonais sous-titré français. Avec, je suppose, le générique traduit en français. Oui. Moi, j'ai relevé une erreur. Alors, c'est pas vraiment de leur faute. Soyons d'accord, c'est pas vraiment de leur faute. Mais il y a une micro-erreur dans une traduction à un moment qui m'a un tout petit peu fait grincer des dents. Ça, je l'avoue complètement, ça m'a un tout petit peu fait grincer des dents. Je suis en train de regarder, j'essaie de chercher l'image exacte en anglais, mais... Tu sais, on a tous les crédits. Et il y a un moment, y a un moment où c'est marqué « Produit par des culs ». C'est marqué comme ça, « Produit par des culs ». Et là, j'étais en train de me dire... Aïe, non. Non. J'ai littéralement la traduction anglaise devant, enfin l'original devant les yeux, et c'est marqué produced by Asshat. Et Asshat, c'est les têtes de cul, quoi. C'est les têtes de cul. Et sincèrement, quand moi j'ai vu la traduction en français, donc produit par des culs, je m'attendais à ce que ce soit marqué en anglais produced by assholes, donc des trous du cul, tu vois, ou produit par produced by some asses, ce qui n'a pas la même connotation puisque asses ça veut dire des culs effectivement, mais ça veut aussi dire en anglais des cons. Donc j'étais un peu, ça m'a un peu fait, je me suis dit, c'était drôle jusque là et produit par des culs, il y a eu un petit moment de, je sais pas. Là par contre j'ai pas... T'as pas accroché. Ça m'a pas fait rire autant que le reste, tu vois. Parce que, il y a des passages mais tellement mémorables dans ce film. Gros, alors je dois juste sortir un truc, c'est-à-dire que Puck et moi, juste avant de commencer à enregistrer, on parlait de Man of Steel. Oui. Pas de, du dernier, quoi. Oui, de Batman vs Superman, pardon. Et Batman vs Superman est sorti depuis quoi, 2 semaines? Ouais, tout pété. A tout pété 2 semaines, à l'heure où nous on enregistre, et dès le premier jour, il y a eu des gros spoilers sur Internet. Dès le premier jour, hein, ça a pas manqué. Le premier jour, il y avait des spoilers sur Internet. Et moi, j'ai été assez surpris par Deadpool, parce que je suis allé le voir 3-4 jours après sa sortie. Moi, je suis allé le voir le samedi 14. Et même maintenant, même à l'heure d'aujourd'hui, les gens se sont retenus de spoiler. Parce qu'il y a moins de choses à spoiler finalement. Bah non, mais par exemple, on m'a beaucoup spoilé le. Bon, on en a déjà parlé. Donc tu vois de quoi je veux parler. On m'a déjà parlé, on m'a déjà spoilé les raisons du nom Batman vs Superman. On m'a déjà spoilé certaines choses par rapport à l'intrigue et on m'a même spoilé la fin. Ce qui moi ne me dérange pas parce que c'est un film que j'ai pas du tout envie de voir. Donc du coup quand on m'a spoilé à la fin, j'ai fait ah ouais c'est cool, j'en ai rien à foutre. Ça m'a permis de plus ou moins me faire un avis sur le film, on va dire ça comme ça. Mais Deadpool, j'ai vu pas mal de semi-spoilers, ce que moi j'appelle des semi-spoilers. C'est-à-dire que Deadpool, il y avait très souvent moi, ce que j'ai vu le plus avant de voir le film et même après, et avant de voir le film, je n'avais pas compris. J'avais pas compris, c'est qu'il montrait une bouteille d'Ajax. Et il y avait écrit désolé dessus. Les mecs avaient rajouté le texte désolé au-dessus. Et c'était tout. Il n'y avait pas d'autres spoilers du film. Et quand j'ai vu cette image apparaître sur les réseaux sociaux au début, je me suis dit c'est quoi ? Je vois que ça a un rapport avec Deadpool, mais je ne comprends pas. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait ah d'accord ! Mais sans avoir vu le film, on se dit pas ah ouais c'est ça, tu vois. C'est après l'avoir vu que tu comprends la blague. C'est après l'avoir vu que tu comprends la blague, ça te fait bien marrer parce que c'est drôle. Mais avant de l'avoir vu, moi j'étais en mode ok d'accord je ouais si tu veux. Enfin je vais pas te dire non mais je comprends pas quoi. Si tu veux, la rigueur, oui, éventuellement, je veux bien. Non, mais c'est pas, exactement ça. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça de la communauté d'Internet qui s'est retenue de spoiler ce film. Et donc, gros GG à vous tous, parce que putain, c'était chaud quand même de pas le spoiler. En soi, c'était assez chaud parce que on pourrait dire tellement de trucs dessus. Il y avait tellement de trucs qu'on pourrait dire sur ce film qu'on pourrait juste spoiler comme des gros bâtards. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans cette émission d'ailleurs. On va spoiler comme des gros bâtards. Ils sont d'accord. Oui, parce qu'on est des gros crevards, nous, il n'y a pas de respect quoi. Oh, et puis surtout, le film est sorti depuis maintenant 2 mois. Plus de 2 mois alors que le podcast est diffusé. Donc... Vous avez loupé votre chance, les gars. Voilà. Je crois que le film est sorti du ciné donc. Si vous l'avez pas vu, vous le verrez en DVD quand il sortira en mai, quoi. Non, c'est en juin d'ailleurs en France, hein, il me semble. En France, il me semble que c'est en juin, puisque moi, Il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je vais attendre un petit peu, mais de toute façon, dès que j'ai le comment. Voilà. Dès que le DVD sort, je l'achète. Hein. Très clairement, t'as pas le temps. Le jour où le DVD sort, je suis à la Fnac. C'est clairement, il y a pas à chier. Deadpool, c'est un film que je vais acheter en DVD. J'ai même hésité à acheter, et j'hésite encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, 22 juin qui sort. Oh putain, merde, je pourrais pas l'acheter le jour même. Pourquoi donc? Quoique si, ça va. Parce que je pars au Hellfest le 22 juin. Il y a le Hellfest le 22 juin. Donc je ne sais pas si je pourrais l'acheter le jour même. Bon, de toute façon, si je vais rejoindre ma copine, parce que ça risque d'être encore ma copine qui va m'emmener au Hellfest, donc je vais la rejoindre à Rennes. Donc je lui dirai, écoute, on se retrouve à la Fnac. Moi, je vais acheter Deadpool. Ça risque très fortement d'être ça. Mais ouais, non, je sais pas, il y a eu un espèce de consensus. Ah, je m'attendais à un c'est pas faux. Il y a eu un espèce de mais consensus. Non, mais là, c'était tellement en dehors de mon truc que je pouvais pas le dire, c'est pas faux. Il y a eu un consensus au niveau d'Internet qui s'est retenu de spoiler ce film. Et moi, je respecte énormément ça. Bon, je pense que tout a été dit sur le film. Je pense qu'on en a dit vraiment tous les deux ce qu'on pensait. Qu'est-ce que toi, dans l'ensemble, t'en as pensé? Écoute, moi, je connaissais pas plus que ça Deadpool. J'avais un pote, moi, qui était passionné, donc qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le personnage, l'univers, tout ça, qui m'a parlé des différents Deadpool, mais qui m'a surtout raconté en gros qu'est-ce que le personnage. Donc du coup, je m'en suis intéressé un peu plus au personnage. J'ai joué au jeu. Donc pour un peu voir le truc, et je me suis dit, quand j'ai vu le film Deadpool, j'ai fait, bah, ça peut être sympa, ça peut être cool. Donc je vais aller le voir, parce que voilà, écoute, ça a l'air d'être un bon truc, un truc assez rigolo, assez sympa, c'est LOL, Louise, MDR. Du coup, je me suis dit, non mais... Non, non, mais oui, c'est juste l'expression qui me fait rire. La Louise MDR. Voilà quoi. Et du coup, j'ai été agréablement surpris. Parce que déjà, je me suis marré comme un fou. J'ai trouvé relativement bien réalisé dans l'ensemble et relativement fidèle à l'esprit du personnage. C'est-à-dire que voilà, on a un personnage qui casse les codes, qui a conscience qu'il est un personnage de fiction, qui peut faire des vannes et tout sur n'importe quoi, qui est drôle, beauf, mais comme on avait dit, qui a une certaine contre-mesure intelligente. Et je trouvais que c'était assez bien respecté, assez bien amené dans le film. Parce que voilà, on a déjà un personnage qui va faire de la vanne et qui va pas hésiter à descendre certaines licences Marvel sur certains points qui ont pu ressortir des critiques professionnelles ainsi qu'amateurs sur certains films. Il y a de la bonne vanne bien maîtrisée, il y a un visuel qui est vraiment bon, hein, niveau de scène d'action, au niveau du visuel général, c'est quand même c'est bien filmé, c'est bien tourné. On a des effets spéciaux qui sont quand même impressionnants, enfin sur le hors contexte du personnage, on a un visuel qui est vraiment intéressant dans ce film-là, vraiment bien maîtrisé, je trouve. Et non, voilà, on a... Comment dire? C'est rigolo parce que ça fait vraiment film du pauvre sur certains points, c'est-à-dire que quand on regarde le casting en général, il n'y a pas beaucoup de personnages. À proprement dit, voilà, mis à part quelques figurants, des mercenaires et machin. Il y a des gros personnages, il va y en avoir, voilà, peut-être moins de 10, peut-être une petite dizaine, quoi. Ouais, il y en a peut-être 3 ou 4 même, je dirais. Ouais, non, vraiment, oui, enfin, oui, voilà. Non, mais oui, ouais, 3, 4, je dis une petite dizaine parce que t'as quand même des personnages qui sont secondaires, mais quand même, qui ont quand même une espèce de rôle. Ouais, mais justement, ces personnages secondaires-là, je les compte pas. Je le compte, je les compte pas. Le barman, je le compte pas, tu vois. La fille, je la compte pas. Pour moi, c'est pas des personnages principaux, tu vois. Bah, on a le... Comment ça s'appelle? On a la vieille aveugle aussi. Bah pareil, je la compte pas non plus. Ces personnages que je compte pas parce qu'on les voit pas assez pour qu'ils soient importants. Ils sont pas assez présents pour être vraiment si importants que ça. Après, ils sont importants quand même, bien entendu. Mais pas tant que ça. Ils sont pas essentiels à l'histoire, à part peut-être la fille, qui a un rôle très Ouais. important dans l'histoire, obligatoirement. Mais à part ça, t'es là, tu fais ouais, bah. Ok. Très bien. Mais non, mais c'est pour ça, je te dis, moi je trouve que ça fait film du pauvre de par son casting. Pas au niveau des têtes d'affiche, hein, mais de par son casting, on va dire au niveau du nombre d'acteurs, je sais pas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et pourtant, il y a une qualité qui est là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une minutie visuelle, il y a une minutie, enfin une minutie chorégraphique, enfin c'est un film que j'ai trouvé quand même minutieux derrière tout ça. Déjà, il a mérité son nombre d'entrées. Hein. Oui. Bon, moi, vraiment, il a mérité son nombre d'entrées. Il a mérité d'avoir fait du beurre. Pas du buzz, hein, mais du beurre. Parce qu'ils avaient, ils ont la volonté de vouloir continuer. Et je me dis, il faut l'encourager. Parce qu'avec déjà, on va dire, les difficultés, on va dire, de tournage et de production qu'ils ont pu avoir par rapport à la vie de chacun et d'un tel et d'un tel sur le film. Et un peu l'accueil. Il y avait quand même un accueil qui était assez mitigé, hein, de la part de la sphère comics, hein, des lecteurs pour, de comics. Pour quel film ? Pour Deadpool. Il était très attendu, mais en même temps, il y avait quand même une. Oui, voilà, on avait un peu peur. Il y avait une grosse appréhension. Au final, bon, les gens sont allés avec le bouche à oreille, ça aura bien fonctionné, parce que ça aura bien tourné. Hein, on va dire qu'ils ont les troupes de fans assidus ont envoyé des éclaireurs. Ces éclaireurs ont fait leur rapport et bon, bim, quoi. Ça a marché. C'est un peu ça. Et voilà. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'est un succès qui est largement mérité. Et j'espère qu'ils garderont cette minutie dans le deuxième, parce qu'on sait clairement qu'il y aura un deuxième. Oui, très clairement. Voilà, qui a été annoncé, je trouve, de la manière la plus honnête et la plus drôle qui soit. De la plus voilà. Manière de l'univers, ouais. Clairement. C'est voilà, c'est en gros, vous attendez l'annonce d'un deuxième. Ouais, mais non, il y a pas la thune. Alors, mais si vous venez voir, là peut-être que. Alors que si vous non, venez, alors, vous payez vos places. Moi, très sincèrement, je l'ai pas vu comme ça. Non, mais c'était comment dire, c'était un sous-entendu honnête dans le sens où. Effectivement, on a le cachet pour le deuxième, il est ric-rac. Donc, faut pas vous attendre à ce qu'on vous annonce d'office qu'il y aura un deuxième. La seconde lecture qu'il va y avoir, c'est on a le projet de faire un deuxième, mais si on veut pouvoir faire un deuxième et un bon deuxième, il faut de la thune. Ah, moi, je l'ai pas du tout compris la fin comme ça, surtout pas avec la vraiment toute fin de la scène où il annonce. Il dit, vous vous attendez à ce qu'on annonce machin. Ouais, bah. Ouais. Et puis il finit en disant. Non, parce qu'il fait dans le deuxième, il y aura machin. Il s'arrête un moment. Et puis il fait. Bon, on l'a pas encore casté, tout ça. Donc clairement, il dit, il y aura un deuxième. Clairement, c'est pas le. Je pense que c'est pas le souci. Il dit pas ouais, il y aura pas de deuxième machin. Il y a pas de souci à avoir là-dessus. Non, je pense. C'est pas genre dire il y aura pas un deuxième. Mais il y a pas non plus de si vous venez pas voir le film, il y aura pas de deuxième. Tu vois. Enfin, c'est vraiment la façon dont il l'annonce. C'est clairement il y aura un deuxième. Ouais. Mais c'était en fait l'annonce a été faite sous forme de troll, quoi. L'annonce a été clairement faite sous forme de troll. Ah, très très clairement. Très clairement, l'annonce du deuxième Deadpool est faite. C'est un peu. En fait, il dit quoi, vous attendez à l'annonce d'un Deadpool 2. Non, mais vous y attendez pas. Puis il s'arrête. Et justement, il revient. En disant, il y aura machin dans le 2. Et là, tu fais, non, mais vous êtes sérieux, les mecs. Moi, vous êtes sérieux. Il n'y a pas de. C'est comme ça que vous nous le sortez, quoi. C'est vraiment genre, aucune race, on te le sort, c'est comme ça. Et j'ai trouvé pas de ça, respect. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle en soi. Bah, la fin restait dans l'univers du. Dans le. L'idée du. Voilà, c'est ça, dans l'idée du. De comment c'est amené. C'est ça. Ça reste dans l'idée du film complet et c'est assez magique. Moi, je vais dire un truc. C'est un truc. Alors, j'aime énormément In the Panda. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour ses opinions et ses idées. Cinématographique, mais très clairement sa review de Deadpool, je lui ai quasiment craché à la gueule parce que le mec en fait est parti avec une fausse idée de ce qu'était Deadpool et le pire c'est que quand je vois ses reviews d'autres Marvel, il en dit pas autant de mal que ça. Vraiment, sur Deadpool, il lui a quasiment craché dessus au final. Et j'ai l'impression qu'il est passé, mais à 500 km de ce qu'est Deadpool. C'est-à-dire que quand on l'écoute, Deadpool, c'est un mauvais film. Quand on écoute ce qui nous dit, c'est Deadpool, c'est un mauvais film. C'est pas un bon film. Et surtout, il n'y a pas d'histoire. C'est son point de reproche principal, c'est il n'y a pas d'histoire. Et il tente de cacher l'histoire par une mise en scène douteuse. Autrement dit, les fameux retours dans le temps qu'on voit à plusieurs moments du film. Et il dit que pour lui, les blagues l'ont pas fait rire. Que les blagues... le seul moment qui aurait pu le faire rire, c'était le moment du gaz, mais que c'était dans la bande-annonce, donc c'était pas drôle. D'accord. Et moi j'ai vu ça, j'ai fait, mais mec, mais est-ce qu'on a vu le même film? Je me suis vraiment, véritablement posé la question de est-ce qu'on a vu le même film? Parce que moi, quand j'ai vu Deadpool, faut être honnête, Deadpool, c'est un film qui a autant de scénarios qu'Avengers. Et je vais me faire taper dessus pour dire ça, mais je suis désolé, Avengers, le scénario, c'est quoi? Avengers, le scénario, c'est oh là là, on se fait attaquer. On est des super-héros, on fait chacun notre truc de notre côté, excusez-moi. Et puis en fait, on vient nous chercher en nous disant on a besoin de vous. Alors on arrive. Et puis il y en a un des nôtres killer. Alors du coup, on va venger sa mort. Et puis c'est la fin du film. Ah, et puis si, il y a les aliens qui arrivent et c'est la fin du film. Il n'y a pas plus de scénario dans Avengers, honnêtement. C'est pas... voilà, hein. Ça casse pas trois pattes à un connard. Voilà, c'est pas plus folichon, ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais... Et un connard non plus, d'ailleurs, mais... Voilà, ça casse pas trois pattes à un connard non plus, mais... Ce qu'il faut se rappeler, les gars, c'est que c'est un film de super-héros. Est-ce que vous connaissez... très sincèrement, je te parle à toi... Personne qui nous écoute, si tu vas voir un film de super-héros en t'attendant à avoir un scénario qui déchire, tu es un con. Tu es quelqu'un de pas intelligent du tout. Tu ne vas pas voir Deadpool ou Avengers ou même Civil War. Enfin, je m'en rends compte en parlant et tout ça, mais... Même Civil War, tu vas pas voir le film pour son scénario, bordel de merde. Tu vas le voir parce que tu sais qu'il va y avoir des explosions. Quand j'entends les gens qui crachent sur Michael Bay parce que, alors Michael Bay, ses scénarios, c'est de la merde, ça tient sur une feuille de PQ. Tu t'attendais à quoi? Quand tu vas voir les Tortues Ninja de Michael Bay, est-ce que tu t'attends à voir un chef-d'œuvre qui va repousser les limites du storytelling? Moi, je m'attendais même à voir des tortues qui se transforment en voiture. Non, mais c'est ça, tu vas voir les tortues ninja parce que, c'est des... Enfin, déjà, soyons honnêtes, les tortues ninja, qu'est-ce que c'est à la base? C'est des tortues mutantes qui font du karaté ou du kung-fu. Tu sais même pas ce qu'elles font, mais elles se battent. Et puis il y a des méchants qui kidnappent leur copine. Et une fois que la copine est kidnappée, elles vont la sauver. Et point barre. Tu lis un comics. Parce que oui, à la base, les Tortues Ninja, c'était des comics. Donc ça se rejoint par rapport à ce que dit. Mais tu lis un comics de, je sais pas moi, Avengers. Qu'est-ce que c'est? Les Avengers sont dans leur base. Une menace arrive. Ils vont tuer la menace. C'est fini. Voilà, Avengers. Gros film. Hein. Gros film Avengers. Hein. Gros budget. Non mais c'est ça, c'est pas des films qui sont faits pour avoir un scénario. Tu t'en fous, le scénario il est là. Alors effectivement. Et puis comme on a dit, adapter un comic c'est placer un scénario. Tu peux pas adapter, ou alors faut adapter un intégral, mais c'est compliqué. Enfin c'est. Voilà, et puis il faut toujours être dans le respect. Et est-ce que le respect du comics de base va passer bien en film? Est-ce que ça va être possible de le faire en film? Là, très clairement, pour Deadpool, respecter les comics de base, c'était pas possible à faire en film. C'était pas possible. Parce qu'il y a juste trop de trucs et c'était juste trop what the fuck à faire. Petit spoiler, dans le film, Deadpool n'a pas les deux voix dans sa tête qui lui parlent. Deadpool n'est pas schizophrène dans le film. Est-ce que c'était grave? Non, parce qu'ils ont compensé autrement. Puis tu... Enfin... Ça aurait été trop bizarre de foutre un mec... Enfin, tu vois... D'avoir les voix qui lui parlent, de les entendre... Dans la BD, ça passe. Bah oui, puis s'ils utilisent des couleurs différentes... Des couleurs différentes. Une écriture différente. Dans le jeu, ça passe parce que bah, c'est un jeu, donc c'est plus facile à amener. Et encore une fois, ils utilisent des bulles de comics pour les faire parler. Voilà. Non, je trouve que c'est malin, puisque dans le film, tu as cet aspect. Alors, t'as pas les bulles, t'as pas les voix, mais tu as cet aspect. Tu as cet aspect du mec qui a quand même. Tu vois que dans sa tête, c'est. Tu vois. C'est... Ah, ça tourne pas rond, hein, clairement, ça tourne pas rond. Ça pédale dans la semoule, quoi, comme on dit, donc. Je trouve, moi, avec ce que j'ai pu lire de comics ou voir ou de ce qu'on a pu m'expliquer sur le personnage et son univers, je trouve que ça a été très. Ça a été finement amené. Ils ont réécrit, je trouve que. Au niveau du personnage, parce qu'encore une fois, au niveau des histoires, c'est compliqué, mais au niveau du personnage, ils se sont bien démerdés. Oui, mais voilà, c'est exactement ça. Au niveau du personnage, le personnage est très bien fait. Et quand on lit un comics Deadpool, très honnêtement, qui a joué au jeu Deadpool pour son histoire? L'histoire du jeu Deadpool, c'est quoi? C'est le mec, il est posé chez lui, on lui envoie un script qui lui dit, bah tu vas faire ça. Il dit non, les mecs répondent ok. Il fait ce qu'il veut et puis c'est la fin du jeu. Voilà, enfin... Deadpool, le jeu, pourquoi les gens y ont joué? Parce qu'il y a le personnage de Deadpool. Parce que... Je trouve que même le jeu, il n'y a pas tellement d'histoire. Ben oui, non mais c'est exactement ce que je dis, il n'y a pas d'histoire dans le jeu. C'est l'histoire du jeu, c'est sur l'histoire du jeu, c'est ultra méta. C'est... Voilà, puis, enfin, encore une fois, putain, sérieusement, quoi, Amazing Spider-Man, même Spider-Man, allez, je sais que les gens n'aiment pas Amazing Spider-Man, ça, j'ai très clairement pu le constater, et ça me fout en rogne, mais d'une façon pas possible, parlons des premiers Spider-Man, le tout premier, la trilogie, allez, tant qu'on y est, la trilogie, rien à foutre, le premier Spider-Man, c'est un gamin qui se fait mordre par une araignée. Il perd son oncle. Alors il part à la recherche du tueur. Il y a un mec qui s'injecte un produit dans les veines. Il devient fou. Il entend des voix dans sa tête. Il devient méchant. Il va attaquer le gentil. Le gentil et lui se battent. Le méchant meurt par sa propre faute. Fin du film. Il n'y a pas d'autre scénario, hein. Soyons d'accord. Il n'y a pas d'autre scénario. Le reste, c'est pas du scénario. C'est du développement de personnages. Sont d'accord là-dessus. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre scénario et développement de personnage. Et beaucoup de gens ne font pas cette différence-là. Walking Dead, il n'y a pas de scénario, il y a du développement de personnage. En soi, dans Walking Dead, il s'arrête dans un endroit, il y a beaucoup de développement de personnage. À un moment, il y a des zombies qui arrivent, il y a des gens qui meurent, ils partent dans un autre endroit, c'est la fin de la saison. C'est pas du scénario, c'est du développement de personnage. Game of Thrones a le même problème. Beaucoup de développement de personnages. Le scénario en lui-même n'avance pas. Spider-Man 2. C'est un mec, il a des pouvoirs, et puis il les perd. Alors du coup, il y a un mec qui travaille sur une expérience, il est blessé, Et puis il commence à entendre des voix dans sa tête, donc il devient fou, donc il devient méchant. Il attaque le gentil redécouvre ses pouvoirs, et puis ils se battent, et à la fin, le méchant meurt par sa propre faute. Très bizarrement, déjà, le 2 ressemble beaucoup au premier. Très bizarrement, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais très bizarrement, ils se ressemblent énormément. Il y a comme qui dirait quelque chose de déjà vu. Hein. Alors, on a compris que Sam Raimi, il aime pas trop faire des suites. Hein, que le mec, il préfère faire des remakes de ses propres films. Hein, Evil Dead et Evil Dead 2, très clairement, c'est le même film. Non, mais faut être honnête, lui-même l'a dit. Hein, Evil Dead et Evil Dead 2, c'est le même film. Hein. C'est le même film. C'est juste que le 2 a été plus tourné dans l'esprit « Je suis un film ». Et je corrige ce que j'ai loupé dans le 1, point barre. Hein. Et il y a une tendance qui se répète chez Sam Raimi, c'est-à-dire que le 1 et le 2 se ressemblent, et quand t'arrives au 3, c'est de la merde. Evil Dead 3, alors bon, je dis ça, moi j'ai aimé aucun Evil Dead, hein, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Aucun. Je vais me faire fracasser parce que je dis ça, mais j'ai vraiment aimé aucun Evil Dead. C'est pas un film qui, moi, m'a... C'est particulier, Evil Dead, quoi. C'est un état d'esprit, je pense, pour adhérer, quoi. C'est ça, mais... Moi, je sais pas, ça m'a pas... Il y a eu le côté trop... On va pas parler d'Evil Dead, mais... Bref. Voilà. Et le 3, c'est il y a des méchants, ils sont méchants, ils s'attaquent aux gentils, alors le gentil les combat, et puis c'est la fin du film. C'est ça, Spider-Man. C'est un peu ça, ouais. Et je pense qu'à un moment, il faut être honnête avec soi-même. Et se dire qu'il n'y a pas une fois où dans un film de super-héros, on a eu un vrai gros scénario. Et que pourtant, on continue d'aller les voir. C'est peut-être parce qu'au final, le scénario, on s'en fout. C'est peut-être parce qu'on ne s'attend pas à voir un scénario dans ce qu'on voit. Très sincèrement, qui en allant voir Deadpool s'est attendu à un gros scénario? Pas moi. Mais même moi qui adore les gros scénarios, j'adore les nymphomaniacs et les trucs comme ça. Pour moi, ça ne m'étonne même pas de toi. Pour moi, ça c'est du caviar. Oui, non, mais le scénario de Nymphomaniac est vraiment god tier. Hein, faut être honnête. Mais pour moi, tout ça c'est du caviar cinématographique. C'est du caviar cinématographique, c'est des très bons films, c'est vraiment des trucs tu regardes, tu fais « Waouh, je bonde, quoi !» Et pas juste parce que y a James Bond ? Je James Bond. Mais non, honnêtement, quand je regarde Avengers, je m'attends pas à ce qu'il y ait un scénario qui déchire. Je m'attends juste à avoir un truc qui respecte au minimum, un minimum le comics... Et qu'ils soient divertissants. C'est des films de divertissement, les films de super-héros, point barre. C'est tout. Faut pas s'attendre à plus. Tu vas pour être diverti. Moi, j'y vais pour être diverti, j'y vais pour m'amuser, pour... J'y vais pas en me disant... L'histoire de ce film va être une grande fresque monumentale sur... Non, mais ta gueule, quoi! Mais ferme ta gueule! Clairement. Mais clairement, ferme ta gueule, quoi! Personne ne va regarder un film de super-héros comme ça. Et si t'y vas, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas compris l'essence même du film. Non, mais c'est ça, enfin... Tu vas pas aller voir un Michael Bay de la façon que tu vas aller voir un Lars von Trier. Ou parce alors, c'est que tu souffres de problèmes. c'est clairement pas les mêmes films. Et justement, j'ai été assez déçu par. Pour revenir à ce que je disais sur Victor, j'ai été assez déçu par Victor parce que dans la saison 2 de Unknown Movies, voilà, je vais faire le mec qui m'y connaît, mais dans la saison 2 d'Unknown Movies, un des points principaux de la saison, c'est que chacun a son style de cinéma et on a le droit d'apprécier les films avec des gros scénarios et on a autant le droit d'apprécier les films qui sont juste là pour le divertissement. Alors d'où tu te plains que Deadpool n'avait pas de scénario? D'où? D'où tu t'en plains? C'est pour qui? Si le moi c'est ce qui m'énerve dans les gens qui se plaignent souvent d'un film qui n'a pas de scénario alors que c'est un film de divertissement donc qui n'a pas volonté d'avoir un gros scénario, c'est que ces gens tu ressortes toujours le l'argument ouais mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on t'a vendu le film? Parce que si on va te vendre, si on te vend Avengers comme la plus belle fresque cinématographique de l'histoire du cinéma avec une histoire à vous couper le souffle et que tu as Avengers, t'as des raisons de gueuler. Tu as très clairement des raisons de gueuler. Si on te vend un film comme étant un film de super-héros avec un héros débile, des blagues toutes les 30 secondes et c'est tout, d'où tu te plains qu'il n'y a pas de scénario? La faute revient à qui? Est-ce que la faute te revient à toi de ne pas avoir compris ce qu'on te vendait? Ou est-ce que la faute revient aux mecs du marketing qui t'ont vendu un mauvais truc? Je suis désolé, si un mec te vend un crayon en me disant « Ce crayon-là, il écrit pas sur les murs » et que tu reviens le voir deux jours après en disant « Putain, je suis dégoûté, votre crayon, il écrit pas sur les murs », à un moment, il faut que tu révises tes priorités. Faut arrêter d'être con un jour. C'est ça, faut arrêter d'être con. Donc, moi, je suis dégoûté des gens qui ont utilisé comme argument le « Ouais, mais il n'y avait pas de scénario. » Le film ne s'est jamais, au grand jamais, vendu comme étant un film de scénario. Si tu attendais un scénario, c'est que clairement, tu n'as pas compris quel était le film. Tu t'es trompé de salle. Tu t'es trompé avec le dernier Woody Allen. Allez. Tu t'es trompé avec le dernier Woody Allen. Mais Deadpool, c'était pas, et ça n'est pas, et ça ne sera pas un film à scénario. Parce que... Ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais un film à scénario. Enfin, il faut... Putain, mais... Même dans les comics, il n'y a pas de scénario. Les méchants, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, très souvent après une blague de Deadpool qui dit « Tiens, c'est bizarre, j'ai pas de méchant à battre. » À ce moment-là, bah ouais, enfin... Je veux pas faire mon connard, mais à ce moment-là, t'as eu ce qu'on t'a vendu, quoi. En même temps, si tu connais un minimum le personnage, tu sais que des fois, il y a des comics où il y a seulement... Il y a ni queue ni tête dans les histoires, en fait. Mais c'est ça. C'est ça, et moi, cette histoire de y a pas de scénario, ça m'a foutu sur les nerfs. Parce que putain, on t'a pas dit qu'il y aurait un scénario. On t'a jamais dit il y a un scénario. Donc, moi, ça m'a très clairement cassé les couilles. J'ai pris, et je m'énerve, et putain, j'ai pris mon pied devant Deadpool. J'ai rien de plus à dire, c'était vraiment un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années. Parce que... Ouais, franchement, il était très bon. Voilà, il était très bon. Il se prenait pas la tête. C'était un très bon divertissement. Je dirais pas que c'était le meilleur Marvel. Je vais pas dire comme tout le monde le fait à chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort. Ouah, c'était le meilleur Marvel de l'univers! Non, clairement pas. Clairement, on n'en est pas à ça. on en est pas à dire c'est le meilleur Marvel de l'univers. Clairement mais pas. Mais c'est un très bon Marvel. Mais c'est un très bon Marvel, c'est un très bon film. Alors, je peux comprendre. On va s'arrêter bientôt d'ailleurs pour faire la pub. Je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas accroché à l'humour. C'est de l'humour extrêmement pipi caca. Mais le personnage de Deadpool, c'est le mec qui marche dans la jungle, qui dit « Si j'étais dans un comics, je me ferais attaquer par un méchant tout de suite. La case d'après, il y a un méchant qui lui saute dessus. » À quoi vous vous attendez niveau humour ? On n'a jamais dit, de toute façon, l'humour, c'est extrêmement personnel. Il y a des trucs qui vont faire rire plein de personnes qui d'autres vont pas en faire rire. Il y a des trucs qui vont pas faire rire certaines personnes, qui vont en faire hurler de rire d'autres. Moi, j'ai vu aller voir The Dictator au cinéma. Le film de Sacha Baron Cohen. Il y a eu plein de blagues qui m'ont fait rire. Je crois que la blague qui m'a le plus marqué, ça a été le moment où le dictateur s'apprête à se suicider. T'as vu le film, Puck ? Oui, je ne sais pas de tout, mais je l'ai vu. Il y a un moment où le personnage de Sacha Baron Cohen il a enjambé la barrière d'un pont, il s'apprête à sauter. Ils font plein de blagues, voilà, il est en croque, les croques, c'est le signe du mec qui a abandonné sa vie, enfin ce genre de truc. Et moi, il y a une blague qui m'a fait hurler de rire. Et littéralement, moi j'ai hurlé de rire, je me suis retourné, il y avait personne dans la salle qui riait. Parce que, donc le mec s'apprête à sauter, l'autre lui fait un speech de motivation et lui dit mais si vous continuez, vous allez rejoindre les grands dictateurs de ce monde. King Jung, il cite un autre nom, je sais plus lequel, et il finit en disant Dick Cheney. Et ça, c'est clairement de l'humour qui ne fait marrer que certaines personnes. Il y a clairement certaines personnes qui vont rire et d'autres pas. Moi, j'ai beaucoup ri parce que j'ai compris la blague. Est-ce que tu as compris la blague, mon petit Puck ? Non. Dick Cheney, c'était le vice-président des États-Unis sous l'ère George Bush. Et dans le film, il le traite très clairement de dictateur. J'suis d'accord, désolé, ok. C'est drôle. C'est drôle, mais il faut avoir la référence. Et voilà, l'humour, c'est comme ça. C'est, tu vas faire des blagues. Nous, quand on a commencé, il y a une partie de l'enregistrement que vous avez pas parce que mon PC a bugué entre-temps, mais on a commencé la première émission en faisant des blagues sur Hitler. Nous, ça nous fait marrer. Parce que nous, on adore ça. Voilà, nous, ça nous fait marrer. On est bien conscient que tout le monde ne se marrera pas. Je sais très bien que si je fais écouter ça à ma mère, elle va pas rire du tout. Ça va pas la faire rire du tout, une blague sur Hitler. Si je fais écouter ça à des personnes random dans la rue, il y a 50% de chances que la personne en face se marre. Déjà, 50% de chances qu'elle en colle une dans la gueule, quoi. Parce qu'il faut préciser qu'il y a 50% de chances que ça rigole parce que ça trouve ça drôle, mais les 50% restants sont juifs. Donc c'est un risque. Voilà, très clairement, ça c'est le genre de blague. On passe à 2 cm de s'en manger une dans la gueule. Et on en est conscient. On est conscient que l'humour, c'est quelque chose de très personnel. Nous, on fait notre truc à notre sauce. Deadpool a fait son truc à sa sauce. Ryan Reynolds s'est battu depuis 2011. Et même avant, non, 2009 d'ailleurs. Il s'est battu depuis 2009. Et je suppose que même avant que X-Men Origins Wolverine sorte, il se battait pour faire un film Deadpool. Je suppose que le mec s'est battu, il s'est battu pendant des années et des années pour faire son film. Et il a dû enchaîner très clairement les films de merde. Il a dû enchaîner les comédies romantiques à 2 balles pour pouvoir faire son film. Faut savoir quand même que le mec est tellement fan qu'à la fin du tournage, il est parti en costume. C'est-à-dire, il a quitté le tournage en costume. Il est tombé devant l'habilleur, je sais plus comment on dit, le costumier, qui lui a dit, bah écoute, on va aller se changer. Et Ryan Reynolds l'a regardé, l'a fait, non mais tu rêves, ce costume-là, je l'emporte chez moi. Et il est rentré chez lui, en costume. Et depuis, il a gardé le costume chez lui. C'est pour vous dire à quel point le mec est un fan absolu. Le mec, c'est son film. Et je suis quasi sûr que la réussite du film, parce que très clairement, c'est même pas une réussite au box-office, c'est... Il a détrôné je ne sais combien de films. Je crois qu'il a même mieux fait en entrée pour le premier week-end que Titanic. Titanic, les gars. C'est pour vous Titanic, dire... ta mère. Voilà, c'est ça, Deadpool, Titanic et ta mère, quoi. C'est ouf. Le mec a dû en chialer pendant des années. Le mec, il est encore en PLS sous sa table en train de se dire « Putain, j'ai réussi. » Et forcément, il a fait le film. Il a fait le film à sa sauce, avec ses blagues, avec les blagues de ses scénaristes. Il y a même... Je vais vous partager un truc très personnel, mais quand j'ai regardé le film... Il y a eu un personnage que j'ai regardé et je me suis dit c'est pas lui. C'est pas possible que ce soit lui. Et si le personnage du barman est interprété par TJ Miller. TJ Miller, c'est un, je vais pas dire un grand comique en Amérique parce que c'est pas non plus un mec qui est ultra connu. Moi c'est un mec que je connais, que je respecte énormément, que je trouve extrêmement drôle. Il avait joué, alors attendez, parce que TJ Miller a fait très peu de trucs en soi. TJ Miller, voilà, il a fait des films, il était dans Cloverfield, il était dans... il a joué dans, surtout, moi je l'ai connu, dans Les Voyages de Gulliver, avec Jack Black. Il a fait plusieurs films, alors ça va du film très sérieux, comme Cloverfield, au film complètement ridicule comme Les Voyages de Gulliver. Ce que moi je lis pas sur Wikipédia, c'est que le mec c'est aussi un artiste de stand-up. C'est un artiste de stand-up, le mec fait énormément de stand-up. Et c'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde. C'est un humour qui clairement ne plaît pas à tout le monde, qui fait pas rire tout le monde. Il y a certaines personnes qui le regardent et qui sont en mode « Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule, quoi. » Et moi, je le trouve, mais très sincèrement, extrêmement drôle, ce mec. Et voilà, et c'est clairement le type de personne que Ryan Reynolds voulait avoir dans son film. Des gens qui ont un humour qui se rapproche énormément de celui de Deadpool, et peu importe si vous les aimez ou pas, parce que moi ce qui va prévaloir dans mon film, c'est l'humour. Et je pense qu'il savait que l'humour ne ferait pas rire tout le monde. Il y a des blagues qui sont pas techniquement pas super drôles. Le deuxième trou de balle. J'ai trouvé ça énormissime. Moi j'ai trouvé ça, je me pissais dessus de rire. J'étais mort de rire en voyant ça. L'histoire du deuxième trou de balle, j'en pouvais plus. Pour moi c'était énorme, quoi. Mais derrière, je sais très bien que c'est le genre de blague qui fera pas rire tout le monde. C'est le genre du blague. C'est le genre du blague. Ta mère. Non mais voilà, c'est le genre de blague, très clairement. Ça fait pas rire tout le monde. Très très sincèrement. Très très sincèrement, ça fait pas rire tout le monde. Et. Moi, enfin, personnellement. Très personnellement, là, je parle de moi et je suis quasiment sûr, je suis sûr à 99% que Ryan Reynolds, en faisant son film, était dans le même état d'esprit que moi. Quand je fais les YOLO Records avec Puck, je m'attends pas à avoir 500 000 écoutes et je m'attends pas à ce que à la fin du podcast, il y ait des gens qui me disent « Ouah, c'était super drôle, je me suis éclaté ». Je fais juste mon truc parce que ça me plaît. Parce que je m'éclate. Parce que nous, on s'éclate. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On s'éclate. On fait notre truc parce qu'on s'éclate et on va pas se retenir de faire des blagues sur les nazis, on va pas se retenir de faire des blagues sur les juifs, on va pas se retenir de faire des blagues racistes ou sexistes en soi, tout en restant dans une certaine mesure. Oui, quand même. Parce que... Voilà, faut rester dans une certaine mesure. On va pas non plus dire oh là là, trop rigolo, la croix grammée, c'est la croix gammée, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Non, ça clairement, ça fait rire personne. Ça fait rire personne, à part peut-être Jean-Marie là-bas au fond de sa Bretagne profonde, isolé. D'ailleurs, d'ailleurs, en parlant de croix gammée, sais-tu qui est le papa de la croix gammée? Alors, techniquement, c'est les Indiens, mais vas-y, j'écoute. Pas du tout. C'est un Belge qui, à la base, voulait faire un boomerang. Voilà, voilà. Voilà, voyez ce genre de blague. ce genre de blague, je m'excuse pour tous les Belges qui sont là. Voilà. Mais même vous ceux savez. Qui sont pas là, on s'excuse. Voilà, même ceux qui sont pas là, on s'excuse. Mais vous savez très bien. Les gens qui écoutent ça savent très bien ce qu'ils écoutent. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. Et ils savent très bien qu'en venant écouter, ils vont pas avoir la critique la plus parfaite qui va parler de tous les aspects d'un jeu vidéo ou d'un film ou de je ne sais quoi. Personne ne s'attend à voir ça. Personne, quand vous écoutez YOLO Records, vous vous attendez pas à... La qualité, soyons sincères. Vous vous attendez pas à de la qualité, vous venez écouter parce que c'est un humour qui vous touche. Ou pas, hein. Il y a des gens, ça se trouve, ils écoutent nos blagues, ils sont en mode putain, j'en ai marre, quand est-ce qu'ils parlent des trucs sérieux. Mais vous allez pas venir écouter YOLO Records en se disant hey, c'est les mecs les plus drôles de l'univers, alors je vais les écouter. Non. Enfin, s'il y a une personne qui vient écouter ça comme ça. Mais je suis désolé pour toi, quoi. Je m'excuse très sincèrement. On est vraiment désolé. C'était vraiment, crois-le, désolé. Non, mais voilà, c'est ça. Et du coup, Deadpool, pour moi, c'est la même chose. Le mec a fait son film comme lui l'entendait, avec son humour. Il savait que ça allait pas plaire à tout le monde. Il y a clairement des blagues. Je parlais de la blague du trou de balle, la journée de la femme. La journée de la femme, c'est clairement le genre de blague. Je me suis dit, putain, ça reste bon, ok, ça reste dans l'esprit Deadpool. Mais clairement, ça va pas faire marrer tout le monde. Ça va même faire marrer très peu de personnes en prenant en compte la démographie qui va voir le film. Bon, le film était quand même un peu. La démographie, c'est ça? La démographie. J'ai du mal à sortir ça. Yeah. D'ailleurs, on va vite s'arrêter parce que ça fait plus d'une heure, on a toujours pas passé de musique. Mais voilà, moi. Ne critiquez pas un film sur ce qu'il n'est sans pas. Savoir. Non, mais ne critiquez pas un film sur ce qu'il n'est pas, sur ce qu'on ne vous a pas vendu. Si on vous vend un film avec un gros scénario et qu'au final le scénario ça tient sur une feuille de PQ, ne vous plaignez pas. Si on vous vend un film d'action ridicule avec des blagues, ne vous plaignez pas. Vous. Ou alors dites juste je m'attendais pas à ça. Je suis pas allé le voir en pensant ça. À ce moment-là, c'est pas de la faute du film. Ça veut pas dire que le film est mauvais. Ça veut pas dire que, comme j'ai entendu de la part de In the Panda, s'il a vraiment dit ça, le film tente de cacher son scénario misérable en intercalant des passages retour dans le passé. Ce qui donne une mise en scène abyssale et tente de cacher le manque de scénario. Désolé, mais... Justement, je vais finir avec ça parce que sinon je vais encore m'énerver. Faut que je mette la pause et que j'aille me rouler, me fumer une clope. Ne fumez pas, le tabac c'est pas bien pour la santé, blablabla, c'est pas bien, voilà. Protégez-vous. Protégez-vous, voilà, sortez couverts. Parce qu'il pleut, il pleut souvent en ce moment, donc sortez couverts. Voilà, dans le doute, toujours être couvert. Voilà, dans le doute, toujours être couvert. Mais non, enfin, moi, j'essaie de reconstituer le film Deadpool. J'essaie de reconstituer le film Deadpool s'il avait été mis chronologiquement. C'est-à-dire commencer par le vrai début et finir avec la fin. Finir avec les vraies fins. Ouais, mais non, mais si tu veux, le début du film, il est dans son taxi et puis il revient au tout début de son histoire et puis ça repart et puis ça revient et ça repart et ça revient, etc. Tu vois. Je vois. Bon, toi, de toute façon, tu l'as vu, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de retours dans le temps. Imaginez-vous vous mettre devant le film, sachant que en plus le donc dans l'ordre chronologique, l'humour arrive très tard. C'est-à-dire que le tout début du film n'est pas drôle. Les tout débuts de l'histoire, quand il est mercenaire, ce n'est pas drôle. C'est extrêmement sombre. Oui. C'est les moments, justement, c'est les moments sérieux du film. Et l'humour commence à arriver un peu quand il se met avec sa nana. Ensuite, il tombe malade et là, c'est plus drôle, mais du tout. Mais vraiment, mais pas du tout drôle. Hein. Le film, switch même, d'ailleurs, je vais y revenir sur un petit élément de mise en scène qui, moi, m'a bien mis dans l'ambiance. Et puis, une fois qu'est arrivé ce qui est arrivé, qu'il est devenu Deadpool, là, ça devient vraiment drôle. Mais vous imaginez, vous tapez le film dans l'ordre chronologique. Je te laisse y réfléchir 30 secondes, Puck. Tu tapes donc du début où il est mercenaire. Il rencontre sa nana. Il tombe malade. Il y a une expérience ratée. Il devient Deadpool. Il décide d'aller se venger. Il casse la gueule au mec. C'est fini. Ce serait chiant. Oui. Ce serait chiant à mourir. Parce que, très sincèrement, hein, moi, les passages de retour dans le temps, c'est plus ou moins les passages qui m'ont le plus fait chier. On y reviendra un peu plus tard. Mais voilà. C'est... Non. Non, le scénario n'essaye pas... Enfin, la réalisation n'essaye pas de cacher une misère. N'essaye pas de cacher une misère scénaristique en mettant des retours dans le passé. C'est pour ne pas accabler le spectateur. Parce que si on vous mettait... Enfin, ce serait même plus un film drôle, c'est-à-dire que ce serait un film... on regarderait un... Comment ça s'appelle? Un... Putain, merde, le réalisateur de Nymphomaniac, j'en ai parlé tout à l'heure en plus. Von Trich. Non, c'est quelque chose comme ça. Mon internet rat, Nymphomaniac, voilà. Est-ce que Nymphomaniac, tu peux trouver ça la même chose, hein? Lars von Trier. Oui, voilà. Ah, c'est Von Trier, Von Trier, c'est pareil. On se retrouverait, si le film était dans l'ordre chronologique, on se retrouverait face à un Von Trier. Hein. Très clairement, c'est-à-dire un truc qui est déprimant au possible. Ce serait le film le plus déprimant de la décennie. Parce que, en soi, c'est extrêmement sombre. Il y a eu des passages où, moi, sincèrement, je me sentais pas bien. Dans le ciné, j'étais pas bien, hein. Où tu comprends la détresse du personnage, où tu comprends qu'il est pas bien, tout ça. Moi, j'étais, je me sentais pas bien. J'étais dans le bad, mec. J'étais dans le bad. Non, mais c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le film garde un rythme drôle en mettant les passages sombres entre deux passages drôles. Tu vas avoir 20 minutes de trucs drôles et de blagues et de trucs ridicules. Puis, 20 minutes de trucs sombres et lourds et de background et de tu t'en prends plein la gueule et tu souffres pour lui parce que le mec, il a souffert. Et juste après, ça repart sur des passages drôles. Et comme justement, c'est des suites, tu peux compartimenter ça. Tu peux les mettre dans un compartiment, dire, ok, il y a eu des blagues avant. Là, je sors d'un truc qui m'a quand même vachement remué, parce que ça remue vachement. Les blagues recommencent, ça va pas être un... Ce serait pas comme un Van Trier qui balancerait des blagues cons, tu vois. Ce serait pas comme un Van Trier où, entre deux scènes noires, tu balances une blague. Parce que là, clairement, la blague, elle ferait rire personne. T'as 90% du public en PLS, les 10% restants qui chialent, tu balances une blague, les gens, ils quittent la salle. Les gens, ils se barrent, ils se disent « Non, mais il me prend pour un con, clairement, il me prend pour un con. » Là, le film te dit... Ok, il y a eu des blagues. Le film, de toute façon, commence par une blague, donc tu comprends qu'il est que ce sera comme ça. Le film commence par une blague, et une fois que la blague est passée, il te dit voilà, le film ce sera comme ça. Il y a des trucs lourds, on te les montre quand même. Mais sache que le plus important, c'est les blagues. Mais que bah, le personnage a quand même souffert. Tu vois, ils arrivent à. Il y a cet équilibre entre. Les blagues et le drame que fait très bien Ryan Reynolds. Et pour moi, tout est goupillé de manière à être parfait, tu vois, au poil de cul. Il n'y a pas de blague en trop, il n'y a pas de moment de souffrance en trop. Tout est parfaitement goupillé. Je pense qu'il a vraiment, il a dû passer des années à penser à écrire son film. Pour que ce soit bien, bien parfait et à la virgule près, je pense. Au poil de cul. Au poil de cul. Et sur ce, on va faire une pause musique parce que ça fait 1h15 que je parle, j'ai soif, j'ai envie de fumer une clope, je suis énervé. Donc on revient d'ici quelques minutes. De toute façon, on sait très bien ce qu'on va passer comme musique, mon petit Puck. Comme d'habitude. Voilà, toi et moi, on sait ce qu'on va... Non, mais alors là, par contre, c'est très sérieux. Je sais très bien ce que tu vas me demander de passer comme musique. On en a déjà parlé. Oui. Là, oui, de toute façon, je crois que je te laisse pas trop le choix, en fait. Donc. Voilà, et même moi, je me laisse pas le choix. Donc voilà. On fait la petite pause musique, appréciez la musique, c'est cadeau, et on revient. À tout de suite, les gens. Ok. Voilà, la musique, ça va être, c'était cool, c'était bien. On a entendu le Hocat Puck, mais c'est pas grave. Tout va bien. Oui, mais tout va bien, mais la vie est belle. Les oiseaux chantent et les pingouins. J'imagine trop la musique, tu sais, qui finit et puis t'entends. Ok. C'est magique. Ah, ben voilà, je trouve que ça met dans l'ambiance. Ça met complètement dans l'ambiance. Du coup, Deadpool. Mais il y a juste trop de trucs en fait à dire sur ce film. Alors, je vais essayer d'être un peu. Concis comme voilà. Je sais que t'as pensé à la même chose que moi. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait, hein. C'est pas de l'humour qui fait marrer tout le monde. Nous, ça nous fait rire. Oui, donc... parce que ça, c'est vrai que c'est un humour très zizi, poète poète, sincin, cucu, caca. C'est un humour beauf à l'américaine. Voilà, exactement. C'est de l'humour qui est assez beauf. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement magique. Mais beauf à l'américaine. Que les gens se disent pas beauf, tiens, toi qui vois pas les ch'tis, qui voit pas les ch'tucs, là, les ch'tucs, les plucks. Les tuches, voilà. Qui voit pas les tuches, qui voit pas les visiteurs. C'est pas ce jour. C'est pas l'humour beauf à la française. C'est l'humour beauf à l'américaine. Il y a des variantes. Donc c'est pas un humour beauf que vous allez trouver dans les tuches ou dans les visiteurs. C'est pas, c'est un autre style de beauf. Mais c'est tellement bien amené, puis c'est... En soi, c'est Deadpool. C'est Deadpool, exactement. Donc moi, je voulais parler un tout petit peu du casting. Oui. Alors bon, forcément, le premier personnage à parler, c'est Ryan Reynolds, qui joue Wade Wilson. Alias Deadpool. Alors, petit fun fact. C'est un truc que pas tout le monde a remarqué. Je sais que je l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'on me le dise. Et là, j'ai fait ah bah tiens, c'est vrai que c'est bizarre. Mais regardez les noms des personnages de Marvel, en fait, tout simplement. Il y a une tendance qui revient assez souvent. Peter Parker, Wade Wilson, Jonah Jameson. JJPPWW. C'est toujours la même lettre répétée deux fois. Alors pas dans tous les comics, parce que Tony Stark. Ah mais ça en fait au début il devait s'appeler Tony Stark. Ils ont fait une faute de frappe. Voilà c'est ça, ils ont fait une faute de frappe. Tony Stark et puis bah au final non quoi. Au final voilà, ils se sont trompés, ils se sont dit non mais Stark ça rend mieux. Mais voilà, moi ça m'a toujours fait rire, hein. C'est le petit fun fact ridicule de Venom. Et Ryan Reynolds, RR. Voilà, Francis Freeman. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Moi je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Bref. Donc on a aussi Morena Baccarin, ou Baccarin, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui est Vanessa. Vanessa Carlyle. Je sais pas si le S se prononce, moi je vais prononcer Carlyle. Qui est. Alors, j'aime pas trop réduire un personnage, surtout féminin, à un rôle genre la copine de machin. J'aime pas c'est, ça. C'est une mercenaire, elle aussi, hein, il me semble. Bah non, c'est une ancienne prostituée. Ah et oui, c'est vrai. Quand t'as rencontré Deadpool, c'est une prostituée. Et pendant tout le film, elle reste la copine de Deadpool. Ce qui est un peu dommage, sachant que son personnage, de ce qu'on pense, parce que pour l'instant on n'a pas eu trop de, trucs, mais pour le moment ça suit apparemment plutôt bien, Hein, j'ai dit bien ça, mais ça suit plutôt bien l'histoire du personnage des comics, puisque Vanessa Carlyle est donc une prostituée. Qui va arrêter quand elle rencontre Deadpool. Jusque là, tout va bien. Tout va bien. Sauf que c'est une mutante. C'est une mutante qui s'appelle Copycat et qui a un pouvoir métamorphe. C'est-à-dire que c'est un peu... Elle a la peau bleue et les cheveux blancs, si ça vous rappelle pas quelqu'un. Peau bleue, les cheveux blancs. Juste pour la peau bleue, je dirais Mystique. Bah oui, c'est ça. Elle rappelle Mystique. Et même les cheveux blancs, hein, Mystique est censé avoir les cheveux blancs. C'est un peu la Mystique gentille en fait, qui d'ailleurs est apparue dans d'autres films, puisque elle apparaît dans X-Men 2. Pendant que Mystique fouille les fichiers de Stryker dans le 2, bah il voit le nom Copycat. Et voilà. Mais donc pour l'instant c'est pas une mutante de ce qu'on sait, donc on sait pas est-ce que dans le 2 elle sera mutante ou pas. Est-ce que dans le 2 ils vont aborder directement les autres idylles qu'a eu Deadpool, hein. Il s'est farci pas mal d'X-Men, hein, il me semble, Deadpool, hein. Ah oui bah bien entendu Domino étant la première. On a aussi donc Ed Skrein, qui joue très très bien de la Javel, puisqu'il joue Ajax. Il joue Francis Freeman alias Ajax, le méchant du film, hein, très clairement. On a aussi... Pourquoi Ajax ? J'ai pas compris ça. Mais je sais pas, c'est son surnom. C'est... Pourquoi Copycat ? Pourquoi Storm ? Oui. Pourquoi Cyclope, tu vois, oui, bah encore Storm et Cyclope, il y a un sens. Oui, il y a un sens. Après, Ajax, bon... je sais pas si en Amérique, ils ont Ajax. Je sais pas, sachant que bon... Bah, il me semble, hein, parce que j'ai vu des images de blagues où c'était des Ajax aux États-Unis. Hein. Je sais pas du tout. Je saurais pas te dire si c'était peut-être une blague par rapport à ça. Il y avait peut-être une blague au début. Il y avait peut-être une blague au début sur ça. On a aussi donc. Et très crédible comme méchant. C'est ça aussi qui est marrant. Oui, très crédible en méchant. C'était... C'est-à-dire que c'est un bon méchant, c'est pas genre le méchant. Enfin, ils ont pas fait non plus un Gogol comme méchant pour se dire, bah, de toute façon, c'est Deadpool, c'est que les Gogol. C'est ça. Donc, on a TJ Miller, dont on parlait tout à l'heure, en Weasel, alias La Fouine en français. Il nous donne pas son vrai nom, hein, d'ailleurs. Il l'appelle juste La Fouine. Gina Carano en Angel Dust. Alors, quelque chose qui va vous choquer, donc c'est une mercenaire qui travaille avec Ajax. Et qui casse les gueules, hein, très clairement. Moi, quand je l'ai vu, je sais pas ce que t'en as pensé la première fois que tu l'as vu, Puck. C'est à quel moment qu'on la voit déjà, celle-là? Bah, c'est la première fois quand, tu sais, il l'amène au bloc. Pour lui mettre... Ah oui, oui, je crois. Ok, je crois voir, oui. Okay. C'est là qu'on la voit la première fois, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bah, ça a pas dû me marquer, vu que j'arrivais pas trop à savoir c'était qui. Ah, moi, la première fois que je l'ai vue, c'est je me suis dit, cette nana, elle tabasse des culs dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la meuf, elle tabasse des culs, c'est obligé. Et tu as découvert que c'était une... Une combattante MMA. Oh putain, oui, quand même. C'est une... Alors, apparemment, ancienne combattante MMA. Je sais pas si... Apparemment, elle fait plus de combat, parce que moi, le dernier combat que je vois était en 2009, sur une défaite, d'ailleurs. Ah, on comprend pourquoi elle a arrêté. Bah, très souvent, hein, c'est ce qui va te choquer, très souvent, les combattants de MMA, ils arrêtent sur une défaite. Brock Lesnar a arrêté sur une défaite. Comment elle s'appelle la nana qui était apparue à WrestleMania... Je sais que je la suis sur Instagram, j'ai oublié son nom. Elle est apparue enfin à WrestleMania l'année dernière, donc WrestleMania 31. Je sais plus son nom. Je suis désolé. Parce que la MMA, c'est le free fight. C'est ça, c'est le free fight. Hein. Tu m'étonnes, ils ne doivent pas faire des longues carrières non plus dans ce genre de sport, parce que vu les tatanes qui se mettent dans la tronche. Ah bah oui, c'est clair, il y a très peu de gens. Et la plupart finissent dans le cinéma d'ailleurs. Hein. Dans le cinéma où ils se reconvertissent dans le catch en mode oui c'est bon, je vais prendre des soi-disant faux coups, on va faire comme si tout allait bien. C'est vaste, c'est faux, génial, j'ai rien senti, j'ai plus de mâchoire, mais j'ai rien senti. J'ai pas besoin de la refaire, parce que là si on la refait par contre je risque d'avoir un peu mal, mais là c'est bien je pense. C'est exactement ça. Je regarde, alors attendez, je cherche le nom. Le nom de la combattante de MMA qui était apparue à WrestleMania 31. Putain, j'ai plus son nom. Et je le retrouve pas sur le net. Elle était apparue pendant un segment avec The Rock. Mais alors, comment elle s'appelle? Oh, je suis désolé, je vais pas retrouver son nom en plus. Hein. J'ai beau chercher. C'est pas grave. J'ai beau chercher, je retrouve pas son nom, mais bref. Je vais continuer à chercher tout en continuant l'émission. Il y avait aussi... alors, celui-là m'a, alors je vais parler juste rapidement de son équipière. Une X-Men. Brianna Hildebrand. Dans le rôle de Ellie Filmister, alias... Le nom le plus imprononçable de l'univers. Negasonic Teenage Warhead. C'est chiant à dire. Hein. Là, elle a pris ce nom-là juste pour faire chier, quoi. Voilà. Ah, la nana qui est apparue à WrestleMania 31, c'est Ronda Rousey. C'est d'accord. C'est une femme qui fait de la MMA, qui n'a pas combattu depuis un moment puisqu'elle est blessée depuis. Mais voilà, c'est le genre de femme, tu les vois, tu fais... Toi, je vais pas t'emmerder pendant très longtemps. Excusez-moi, hein, je ne. Je ne faisais que passer, voilà. Désolé. On va faire genre, voilà. Tout va bien. Et puis surtout, alors le personnage qui moi m'a un peu fait chier, Colossus. Colossus qui est interprété en Amérique par trois personnages. Enfin, trois personnes. Trois personnes différentes pour le même personnage. Trois personnes différentes pour le même personnage, c'est-à-dire qu'on a André Tricoteux. Donc je pense qu'il est français ou québécois. Québécois, je pense, il vient du Canada ou quelque chose, une connerie du genre. Ah, je sais même pas, c'est même pas marqué. Ah, c'est dégueulasse. C'est même pas marqué. Tricoteux. Ah si, il est canadien. Voilà, c'est le Canada. Ouais, non, mais Tricoteux, ça peut venir que de ce continent là, non pareil. Voilà, donc André Tricoteux qui lui a fait la capture de mouvement, Greg Lassalle qui a fait les traits faciaux, et Stéphane Capihi, je pense que c'est ça, je sais pas son nom, c'est un russe, qui a fait la voix. C'est ouf, trois personnes pour un seul personnage. Trois personnes pour un seul personnage. Et moi, il y a un truc qui m'a fait chier. Quoi donc ? Ah, et en plus, alors déjà, il faut savoir que l'arrière-grand-père de Colossus, c'est Rasputin. Putain, je savais pas ça. Pardon. Les backgrounds débiles des personnages des X-Men, c'est génial. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est que c'est un personnage... Enfin, il faut savoir que Deadpool est relié à l'univers des X-Men. Et que donc, il est joué, on va dire, pour la motion capture par André Tricoteux dans Deadpool. Mais qu'il est joué par Daniel Cudmore depuis X-Men 2. Et qu'il a fait X-Men 2, X-Men 3 et Days of Future Past. Donc pour moi il y a un petit souci. Pour moi ça chie un peu parce que j'aime pas trop les erreurs de continuité comme ça. J'aime pas trop les erreurs de continuité comme ça et pour moi c'est une erreur de continuité dans le sens où on l'a vu apparaître dans les films précédents. S'il est relié à cet univers, ça doit être le mec qui l'a joué et pas un autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le mec a été furpuit parce qu'il a pas été même foutre un post sur internet en disant que c'était inadmissible. Oui, voilà, au moins il a pas fait ça. Parce que je veux bien comprendre qu'effectivement, changements sont un peu difficiles, mais on n'a pas non plus obligé de se faire passer pour la victime du siècle sur Internet. Malgré le fait que je respecte. C'est vrai que je respecte parce que je me dis. C'est vrai, comme tu dis, il représente en soi un personnage. Oui. Donc, être lourdé comme ça du jour au lendemain, être lourdé alors qu'il y a. Casser la continuité, je peux comprendre que ça blesse, qu'on se dise, mais attends, c'est quoi ce délire, machin, et tout ça. Après, il y a une façon intelligente de le dire, effectivement, on peut le dire sur les réseaux sociaux, dire que voilà, bon, bah, c'est comme ça, faut accepter, c'est la vie, ça me rend triste, sans tomber dans le discours discours à l'Aristote, voilà. Après, c'était la parenthèse, parce que ça me fait penser à ça, et je trouve ça particulièrement con comme réaction. Pour savoir, tu parles de qui déjà? Du mec doubleur de Ratchet. Oui, le mec, ouais, le doubleur de Ratchet, ouais, c'est vrai. En même temps, je peux comprendre. Non, mais j'ai compris sa position. Non, mais ça aurait été n'importe qui, je comprends sa position, c'est-à-dire que dans les jeux, dans les machins, et ça a été le doubleur, puis là, paf, tu vois. Il fout que ça soit Squeezie ou un autre, il fout quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est con parce que c'est quand même un personnage emblématique. Voilà, c'est. Voilà, c'est comme si, je sais pas, moi. Ça m'a fait un peu le même effet. Pour moi, c'est un peu le même effet que, tu vois, le Ben Affleck en tant que Batman. Oui. Non, mais c'est très con parce que. Honnêtement, le Batman, il a eu plusieurs visages qui ont représenté plusieurs périodes. On a eu le simili Le Pers, Oui, non, mais je vois duquel tu parles, oui. Clooney, on a eu Clooney. Oui, il y a eu Clooney, oui. Et on a eu Christian Bale, qui est juste très bon, hein, qui représente. Enfin, qui. Voilà, qui. Bale, oui, bah Bale, on s'en fout, Bale, on s'en fout. Christian Bale, qui est très bon, qui est très crédible, et c'est vrai que Moi, quand j'ai appris, bon, ça faisait un moment déjà qu'ils en parlaient, hein, mais quand j'ai appris que c'était Ben Affleck, j'adore, hein, Ben Affleck, c'est un très bon acteur, il n'y a pas de souci, hein. Mais j'ai pas compris. Bah, c'est comme ça, après, ça partait. Autant, tu vois, pour Ben Affleck, je comprends parce que ça part sur des nouvelles bases. C'est un nouvel univers, un nouveau truc qui réinstaurait Batman, tout ça. Bon, je peux comprendre. Ça prenait pas le. Ouais, Batman mais tu vois, ce qui aurait été intelligent, c'est d'amener. Parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème de DC. Ça aurait été d'amener cet univers avant. Avec un film Batman avant, oui, exactement. Voilà, avec Ben Affleck, c'est-à-dire un nouvel univers. Ils le font avec les comics, hein, avec les fameux. Les Crisis. Infinite Crisis. Enfin voilà, les Crisis, c'est une parade de DC pour pouvoir faire évoluer Batman en recommençant du début. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, à chaque fois c'est le début, à chaque fois on revoit ses racines, on revoit ceci, on revoit cela. C'est une façon de revenir à la source parce qu'effectivement, si on prend Batman au début maintenant, il devrait avoir l'âge de se pisser dessus, de rouler en fauteuil roulant, enfin, et d'avancer en fauteuil roulant. Donc, ouais. Donc voilà, non mais voilà, c'est une technique qui leur permet de. Et eh ben, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire. Je me dis, voilà, pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi dans ce cas-là, DC qui n'a pas la même façon de procéder que Marvel, pourquoi elle ne fait pas des Crisis. Paf, il t'en balance un, il te le balance comme ça, sur le champ, on s'en fout. Il te balance un Crisis, hop là, ils amènent des personnages et tout ça. Ça va être mal reçu, mais au moins, après, si jamais ils veulent lancer un personnage, ben, les gens sont habitués. C'est un risque à prendre, mais voilà, c'est... Ben, voilà, ben, et je trouve que... Non, mais voilà, on va pas... On, voilà, on va pas y passer 3 heures, parce que, voilà, je suis désolé, je te coupe, mais... voilà, on a déjà passé... Mais pour revenir à Deadpool, je pense que c'est un problème qu'on n'aura pas, puisque... Ryan Reynolds étant tellement fan de Deadpool, je pense que c'est le dernier de tout le casting à vouloir quitter le bateau, quoi. Ah non, mais après, c'est pas forcément une histoire de quitter. Ça se trouve, le... enfin, y a un truc qui a transparu pendant le film. Comme tu disais, ça sentait le manque de budget. C'est vrai que le budget de Deadpool était assez ridicule, hein, pour une production de cette ampleur. Et d'ailleurs, t'as une vanne à un moment. T'as une vanne, voilà, au moment où il va frapper au manoir. Il fait, il y a tellement pas de budget, vous êtes que deux dans le manoir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a cette vanne. Et justement, ils en jouent. Et je pense qu'ils ont peut-être pas juste eu le budget pour prendre le mec qui jouait Colossus à la base. Mais n'empêche que, à ce moment-là, tu fais pas apparaître le personnage. Tu vois, pour moi, il y a ça. Pour moi, il y a ça. C'est si t'as pas les moyens d'acheter l'acteur qui l'a joué à la base, tu ne prends pas le personnage. Ouais, mais c'est comme me disait un pote qui, lui, est fan du truc. Il a suivi le processus. Hein, mm-hmm. Et il a dit, honnêtement, quand tu vois comment ils ont galéré sur la production et que le film, finalement, n'aurait pu très bien ne pas sortir parce que le personnage ne convenait pas, tout ça, oui, et c'est tout. Ça, hein. Très clairement. Ça se trouve, il m'a dit, je suis sûr, elle est à 70%, qu'à la base, dans le film, il n'y avait pas Colossus. Ah non, mais je pense aussi. Il n'y avait pas, et qu'ils l'ont mis juste, pourquoi ? Pour l'aspect moral, parce qu'il est honteusement, absurdement moral, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, attention, machin, tout ça, et que ils n'ont rien trouvé d'autre, malheureusement, et je pense qu'ils n'avaient pas le choix, sous force de pression. Ils ont dû rajouter Colossus parce que effectivement dans l'univers Marvel c'est un personnage qui a une morale assez forte, hein, c'est voilà, il a une morale, c'est un peu Lancelot du Lac, quoi, le mec, hein. Ah oui, complètement, c'est complètement Lancelot du Lac, hein. Et du coup voilà, tu enfin, mon pote disait, j'aime beaucoup le personnage de Colossus, il est très intéressant, mais ses apparitions des fois sont un peu lourdes parce qu'il apparaît juste pour dire quoi, pour dire que c'est pas bien, attention la morale. Ouais, attention, voilà, après, gentil, attention, machin, attention, ce que tu as fait, c'est pas gentil, faut pas tuer, faut pas machin. T'as l'impression que il a amené maladroitement pour faire un pied de nez à la censure, quoi. Genre, attention, voyez, un personnage, il dit, c'est pas bien, attention, les enfants, attention, machin. Chose qui ne doit pas avoir lieu puisque Deadpool en soi n'est pas pour les enfants. Et qu'on n'est pas obligé de sortir, et ça, tu vois, c'est un truc qui m'énerve, je te l'ai déjà dit, c'est un truc qui me saoule, on n'est pas obligé de sortir forcément un truc pour les jeunes. Oui, non, mais oui. Ça veut dire que Marvel, c'est une licence qui fait des films effectivement tout public. Quand tu regardes, c'est quand même tout public, voilà. C'est pour les adultes aussi bien que pour les enfants, parce que ça représente les héros, c'est une image forte pour les jeunes. Mais t'as des héros DC comme Marvel, tu as des histoires DC comme Marvel qui sont super sombres, mais avec des personnages qui effectivement sont très édulcorés en soi. Mmh. Bah, la série noire, hein. Ou même Iron Man en soi, Iron Man est un personnage qui est extrêmement sombre. Mais oui, mais après ça dépend effectivement de comment tu l'adaptes, de l'histoire que tu adaptes. Tu regardes Batman, excuse-moi, Batman ne s'adresse pas à un public enfantin. Non, ça c'est clair. Hein. Batman, c'est pas... Il s'adresse à un public limite jeune, parce qu'il n'y a pas non plus de gore, il n'y a pas de... Voilà, c'est parce qu'il est... Batman ne tue pas, ça... Non, c'est parce qu'il est très sérieux, il est très profond, il est très travaillé, donc c'est vrai que c'est... C'est vraiment le côté sombre, vraiment le côté sombre de la franchise qui est privilégié là-dessus. Deadpool, c'est pas qu'il est sombre, c'est qu'il est grossier, c'est sanglant, c'est grossier, c'est du cul, c'est du boob, c'est de la bite, c'est... Excuse-moi, hein, c'est tout ça, hein, Deadpool, c'est ce qu'il amène. Ah oui, clairement, ça a toujours été comme ça. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, c'est un personnage qui a énormément de potentiel à être adapté. Qui se devait d'être adapté parce qu'il est riche et complexe, hein, comme personnage. Ah oui, clairement. Mais qu'on n'aille pas que les studios, que les machins, que la CCA, que les comités de censure de mes couilles de je sais pas trop quoi, viennent pas casser les. Eh ben, on met un PEGI 16, on met un PEGI 18, je m'en bats la race. PEGI 16, PEGI 18, voilà, hop, comme ça, on est sûr que. C'est averti. C'est plus ou moins ce qui a été fait, alors pas en France, et d'ailleurs ça a été un gros point de peur, même pour moi, parce que c'est vrai qu'en Amérique le film est interdit au moins de 18 ans. C'est un film qui est... comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais plus. PEGI 18? Non, Rated R. C'est-à-dire en gros c'est pour les adultes, les enfants peuvent le voir. Mais s'il y a un parent qui accompagne, c'est-à-dire que si t'as un gosse qui vient tout seul voir le film, c'est juste qu'au cinéma ils lui disent non mais il meurt quoi. Alors après il y en a beaucoup qui jouent de ça et qui vont demander un truc qui revient énormément, c'est sans utiliser le mot à des sans-abri. Alors on va dire ça, oui. Ça. Demander à des sans-abri de venir avec eux pour pouvoir pour qu'ils puissent voir le film en fait, hein, tout simplement. Mais toi je me dis c'est pas plus mal de faire ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de casser. Enfin, mis à part si le mec il te vend du gore pour du gore, du porno pour du porno. Que je peux comprendre que là il est pas, tu vois, dans ce cas tu balances ça sur internet, c'est très bien. Mais ouais, mais Deadpool c'est Marvel, Marvel c'est pas que les enfants quoi, c'est les adultes aussi. Oui voilà, non mais exactement. Donc tu vois, je me dis bon, là ils ont, je pense que parce que les studios, les producteurs, ils comprennent, c'est l'argent qui parle pour eux. Enfin, l'histoire, ils en battent la race, c'est l'argent. Là, au vu du chiffre qu'a fait le 1, je pense que le 2, ils vont pas trop leur casser les couilles, quoi. J'espère pour eux qu'ils vont acquérir une plus grande liberté. Bah, ils ont déjà eu une grosse liberté, quand même. Il y a des trucs... Oui, non, mais ils ont une grosse liberté, mais tu vois qu'ils ont dû apporter des éléments un peu... Tu sens qu'il y avait des fois de la retenue. Mais je sais c'est, pas... C'est min... Non, mais c'est minime. C'est vrai que c'est pas... Voilà. Ils ont fait des pieds de nez un petit peu... C'est ça qui rajoute aussi du comique, moi, je trouve, à la chose. C'est qu'il y a eu des pieds de nez tout fait un petit peu à tout ce qui s'est passé pendant la réalisation du film et la production du film. Mais je me dis, toi, j'espère qu'on va pas devoir se taper des personnages qui sont là pour, en gros, tu sais, faire les Doras, quoi. Faire les Blanche-Neige. Dire que, voilà... Tu vois, les Miss France, quoi. La guerre, c'est ouais, mal, mais tout oui, ça. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je pense. Les souligneurs. Comme ça, et je pense pas que c'est leur but non plus, tu vois. Après, il y a des personnages qui ont ce tempérament-là, qui sont comme ça, qui, effectivement, dans les comics, tu le lis, n'arrêtent pas d'essayer de calmer le Deadpool et le. Tu vois même le personnage de Kane. Oui. il a, voilà, il essaye d'imposer une espèce de morale aussi à Deadpool. Des fois, il lui dit, oh, c'est bon, quoi, mollo. Bon, après, Deadpool, il s'en fout. Mais tu vois, j'espère que Kane ne va pas être apporté comme, tu vois, que Colossus ne va pas être enlevé pour qu'on mette Kane. Cable, d'accord, oui. Cable, oui. Non, parce que moi, tu me dis, je sais pas pourquoi je dis Kane. Je vois le catcher Kane. C'est pour ça que je t'entends. Non, non, c'est Cable. Je sais pas pourquoi j'ai dit Kane. J'avais Kane en tête, mais c'était, je pensais à Cable. J'espère que voilà, Cable va pas être amené comme le Blanche-Neige du film. Bah non, mais je pense pas, tu vois, parce que c'est quand même, ils ont un. Enfin, après, oui, s'il arrive en tant qu'un peu catalyseur de Deadpool et tout, moi, ça va pas trop me choquer. Parce que bon, bah, le non, mais ça va pas me choquer parce qu'en soi, il est comme ça, mais je veux pas que ça soit comme. Comme pour Colossus. Ouais, mais Colossus, non, moi, vraiment, moi je te dis Colossus, enfin je l'ai pas senti comme bonjour, je suis pas Colossus tout... et je suis un peu. Non, mais c'était pas tout le temps comme ça. Mais des fois c'était un peu gros, des fois tu sentais. Bah oui, mais non, mais le personnage, enfin comme tu l'as dit toi-même, le personnage est comme ça de base. Dans les comics, le même dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi, le personnage est comme ça, il est très très basé sur la morale et tout. Donc pour moi, ça aurait plus été un pied de nez aux fans de dire bah ouais, mais alors c'est un film, je m'en foutiste où on tire des balles dans des trous du cul, donc du coup Colossus bah il va être comme Deadpool, quoi, il a aucune race. Là j'aurais un peu plus grincé des dents. Mais rien que là-bas, tu sais que cette scène là, parce qu'on en parlait, a failli être retirée du film. Ah bah oui, mais il y a eu tout un. Donc là, j'espère que ça va faire la leçon qu'on peut faire du DC, qu'on peut faire du Marvel, qui s'adresse à de l'adulte, mm-hmm. ou à du public confirmé, tu vois, du jeune adulte. Qu'on n'est pas obligé de faire un truc pour que les gamins, ils achètent le masque, ils achètent le déguisement à Halloween, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Mais c'est le problème. Ou qu'ils achètent Après, tu peux pas faire ça avec tous les personnages, quoi. Très clair. Non, tu peux pas faire ça, mais tu peux, je sais pas, ils peuvent très bien avoir l'envie, je sais pas, un jour de prendre Iron Man, de prendre Iron Man et d'en faire un personnage super dark. Mais Iron parce Man, qu'il y a des fait, histoires. La réalité est que à la base Iron Man est un personnage super dark parce que Iron Man est un alcoolique qui a des vrais gros problèmes d'addiction et ça reste d'ailleurs son pire ennemi dans toute la. Dans la plupart des comics, son pire ennemi, c'est son alcoolisme. Donc Iron Man est un personnage sombre. Après, bah forcément, ils l'ont assaini pour voilà, parce que c'est vrai qu'un personnage comme Iron Man, qui est iconique, c'est un peu plus difficile, très honnêtement, d'en faire un espèce de méchant. Parce que, oui, là, j'utilise le terme méchant. Mais on devrait. Moi, j'estime qu'il devrait y avoir une. Je pense que pour pouvoir correctement adapter, il y a un moment, faut dire merde. Il faut qu'on laisse dire merde. Ah oui, c'est-à-dire que si le personnage, il y a des trucs qui ne conviennent pas et que ça peut pas devenir une icône de la jeunesse au cinéma, eh ben ça ne sera pas une icône de la jeunesse au cinéma. On en fera un dessin animé. Voilà. T'en fais un dessin animé, tu fais des produits dérivés derrière pour les gosses, ça passe. T'es pas obligé de te dire non, mais l'image de machin. Bah après ça dépend. Ouais, pour moi après c'est prendre les gens pour des cons, quoi. Ça veut dire qu'on estime que les gens ne sont pas assez intelligents et après ça va être le problème de tout à chacun pour se dire bah ça ne va pas à mon fils, ça ne va pas à ma femme, ça ne va pas à moi, je ne vais pas voir. Ouais, mais tu vois, moi, un des plus gros trucs que j'ai toujours dit, c'est que, à l'heure où on est avant, moi je sais que mes parents ont toujours fait ça, quand mes parents voulaient me montrer un film, ils regardaient quel film c'était d'abord, tu vois. Il y avait Maintenant, ça se fait plus. La dernière fois, j'ai ma cousine qui m'a appelé en me disant, putain, j'ai regardé un film que tu m'avais passé, c'était sombre, je l'ai montré à ma petite sœur. Elle a été choquée, je lui ai fait c'était quel film, elle me répond bah c'était le labyrinthe de Pan. Je lui ai dit bah oui, clairement le labyrinthe de Pan, tu montes pas ça à ta petite sœur. Elle me dit ouais mais je savais pas, je lui ai dit bah il fallait chercher. Informe-toi. Fallait regarder. Mais c'était, le film, mais c'était moi j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire que les films, il y a plein de films, il y a même des films que j'ai vu, je devais avoir presque 20 ans. Parce que petit, j'avais pas le droit de les voir. Mes parents ont toujours été très progressistes dans ce que je pouvais voir. Il y a même des films que je voyais petit. Bon, bah voilà. Mes parents m'avaient dit, voilà, il y avait des scènes qui étaient un peu limites pour mon âge. J'avais le droit de voir le film. Par contre, ils me cachaient les yeux pour pas que je voie. Ils me demandaient de boucher les oreilles si je regardais le film tout seul. Bon, j'avais instinctivement pris le réflexe de ne pas. Tu vois, je ne regardais pas de moi-même. Voilà, non, mais c'est. Je me dis, ça a très bien fonctionné. C'est un système qui fonctionne. Ah, bah oui. Dans ce cas-là, on remet en question la capacité des adultes à gérer leurs enfants. Ah, mais certains ont beaucoup de mal. Moi, je crois que ce qui m'a le plus choqué, ça a été il y a quelques années. Je suis allé au cinéma voir un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment quand même. C'était Ted. Oui, mais Ted, les parents laissent regarder parce que c'est un nounours. Voilà, et donc. Ils ne s'informent pas avant. Voilà, et moi je prends très souvent ça, ce passage comme exemple, pour dire que faites attention à ce que vous montrez à vos enfants, aux gens à qui vous les montrez, parce que une personne normale va pas réagir. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas rire devant Deadpool comme moi j'ai ri, qu'il y a des passages qui vont les déranger, des passages sur la prostitution, sur ce genre de choses, c'est pas drôle pour tout le monde. Donc les scènes de violence. Les scènes de violence et tout, oui, le film était quand même très violent. Le mec, quand il met une balle dans la tête, tu le vois du début à la fin, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois le cerveau qui coule, et voilà, Les fusillades, tu vois les gros giclées de sang, quoi, c'est pas de la fusillade à la Disney, quoi. C'est ça. Donc, non, le problème, c'est que, il y a eu un laisser-aller, et que maintenant, on estime qu'il faut faire attention à tout. Mais l'attention, elle doit pas être... L'attention, elle doit pas venir genre des producteurs ou quoi. Elle doit venir des parents. Tout est accessible. C'est-à-dire que maintenant, un jeu ou un film PEGI 16, PEGI 18 peut être acheté par un enfant dans le commerce. Mm-hmm. Présence d'un adulte. Sincèrement, sans la présence d'un adulte. Ah oui. Un groupe d'enfants peut aller voir un film PEGI 16, PEGI 18 sans la présence d'un adulte. C'est rare, ça arrive rarement qu'il y ait des cinémas qui. Même moi j'ai eu des soucis à 20 ans où on me demandait ma carte d'identité pour que j'aille voir un film. Ouais, mais c'est parce que. Parce qu'il y a des salles qui le font, mais toutes les salles ne le font pas. Ah bah oui. Après, tous les cinémas ne le font pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'obligation. Enfin, tu sens que l'obligation, elle est pas super présente, quoi, puisque tous les cinémas ne le font pas. Mm-hmm. Non, mais on est d'accord là-dessus. Et voilà. Mais après, c'est. J'en ai revu encore un exemple. Hein. David Mourier, tu vois, c'est qui? Ah oui, je vois qu'il devait très bien qui est David Mourier, oui. Et il présentait donc un 101% sur No Life et il parlait justement de son expérience qu'il jouait, donc il dit qu'il jouait à Rainbow Six Siege. Oui, et qu'au début, au tout début, en fait, il jouait avec des potes. Ouais. Tout se passait bien, sauf que du coup, le jeu, s'est essoufflé. Ses potes ont commencé à aller jouer à The Division, à autre chose. Lui, il est resté sur Siege parce qu'il aimait bien ça. Il s'est retrouvé à jouer avec des enfants de 10, 11 ans, 12 ans. Ah bah oui, mais... Et qui sont là, qui balancent des... Vas-y, démonte-le, baisse-lui sa gueule, machin. Et il a dit... il connaissait pas, tu vois. Il a dit lui-même. J'étais peut-être trop naïf parce que je jouais pas forcément tellement en ligne au niveau des jeux. J'étais plus solo. Ça a été vraiment ma grosse expérience en ligne. J'étais peut-être un peu naïf, mais j'ai été choqué, quoi. Je pensais pas. Mais c'est vrai qu'on. J'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas. Je suis pas fan des gens en ligne. Parce que tu tombes, honnêtement, tu tombes tellement rarement sur des gens de ton âge, ou plus âgés, que c'est voilà, quoi. C'est. Non mais voilà, après, moi comme je disais, je vais finir juste rapidement mon exemple sur TED. Donc il y a, bon, TED, film très cru, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est-à-dire que, bon, c'est vraiment Nounours à côté de Deadpool, mais ça reste cru quand même. Bah, c'est cru parce que, effectivement, c'est une icône enfantine qui balance des saloperies, qui fait des choses atroces, quoi. Voilà, et il y a un moment qui... Moi, personnellement, dans ça, j'étais mort de rire, et j'ai été mort de rire pour deux raisons. Il y a un moment où... Donc c'est au début du film, hein. Le nounours et son propriétaire sont en train de parler de... voilà, on va... bon, c'est très... comme je disais, c'est très cru, hein. C'est un nounours qui regarde des films nuls avec son, entre guillemets, maître, en fumant de la beuh. Jusque-là, tout va bien. Et donc, à un moment, ils disent, ouais, bah, on va sortir tel jour. Et le mec lui répond, bah, écoute, non, moi, je peux pas sortir ce soir... parce que j'invite Laurie au restaurant, c'est notre anniversaire de couple. Et puis bon, bah, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, je compte faire quelque chose de spécial. Et donc toi, tu comprends, en tant que spectateur, quelque chose de spécial, je vais la demander en mariage. Je bah pense oui. que là-dessus, on est tous d'accord. Et le nounours le regarde et lui dit quelque chose de spécial. Quoi, tu veux lui demander de te faire, tu veux lui demander une sodomie? Et dans le contexte, c'est vraiment drôle, quoi. C'est ridicule. Tu t'attends pas à ça. Tu te dis mais putain, mais. Enfin voilà, c'est l'humour de Todd McFarlane, hein, très clairement. C'est ce qu'on. Enfin moi, je m'attendais pas à un autre type d'humour en allant voir ce film. Et je sais. Il y avait des gosses à côté de moi, mais vraiment à côté de moi. La place à côté de moi, c'était un gosse et sa mère. Et là, j'ai vu la scène la plus surréaliste de toute ma vie. Le gosse qui regarde sa mère qui fait « Maman, c'est quoi la sodomie ?» Tu peux pas d'une t'empêcher de rire parce que bah tu t'attends pas à ce qu'un gosse demande ça à sa mère. Et surtout, c'est magique. Surtout, moi, sur le moment, j'étais en train de me dire, mais putain, mais... Meuf, est-ce que t'as lu quoi que ce soit sur le film avant d'aller le regarder? Est-ce que t'as lu quoi que ce soit sur le film avant d'y emmener ton gosse? Le gamin devait avoir 6 ou 7 ans, hein, à tout casser. Je rigole pas, je dis pas ça, ouais, il devait avoir 6 ou 7 ans comme... Non. Le gamin devait avoir 6 ou 7 ans. Véritablement. Donc, j'ai eu ce moment où j'ai été un peu... mal à l'aise. Tu vois, où je suis resté un peu en mode bah c'était drôle parce que bon bah voilà, un gamin qui demande à sa mère, maman qu'est-ce que c'est la sodomie, forcément c'est hilarant. Mais, ah bah, là, tu bidonnes, hein. C'est... Mais y a un moment de gêne quand même. Y a un moment où tu fais merde, putain il aurait fallu, enfin même moi je savais que j'allais pas voir un film pour enfants et c'est pour ça que je suis allé le voir. Je suis pas allé le voir en me disant « Ah là là, ça va être une belle petite comédie romantique pour... » Non. Je suis allé me voir en me disant « Ça va être dégueulasse, ça va être immonde. » Parce que, bon, moi je savais qui c'était, mais... Une recherche sur Internet, ça prend 2 minutes. Tu regardes les avis des gens qui te disent « N'emmenez pas vos enfants voir ce film. » Qu'est-ce que tu fais? T'emmènes pas tes gosses voir ce film. Ben non. C'est voilà, bon, on va s'arrêter. On va reprendre sur Deadpool parce que là, on s'est très très très éloigné du sujet. Mais oui, non, moi le personnage de Colossus, je l'ai pas senti comme un, tu sais, genre casseur d'ambiance, comme un peu genre ouais la censure, tiens on met ça pour, non, enfin c'est moi, c'est le personnage que je connaissais des comics et il y a pas eu un moment où je me suis dit enfin, vraiment, je retrouvais le personnage des comics que, entre guillemets, j'aimais, parce que, bon, j'ai jamais été fan des X-Men. Mais j'ai retrouvé le personnage des comics. Donc j'ai... Après, chacun a son interprétation de la chose, tu vois. Mais Colossus, c'est quand même un gros personnage dans l'univers de Deadpool. Ça reste un gros personnage. Donc, est-ce que Ryan Reynolds et les scénaristes l'ont mis là comme étant un peu le catalyseur, le « non mais c'est bon, on a mis ça, faites pas chier ». Ou est-ce que c'était vraiment un perso qui était là pour être là? Le souci de ce genre de truc, c'est qu'on le saura jamais. Oui. On saura jamais, on peut pas savoir, comme beaucoup de choses dans l'industrie du cinéma malheureusement, mais on le saura jamais. Et moi, je le prends comme ce que j'ai vu. Donc, vraiment, le mec, pas gentil. Enfin, si, justement, il est trop gentil. C'est ce qui est un peu chiant avec ce personnage. Mais tu vois, le perso très gentil. Et y a pas de. Enfin, ça se sent dans tout le film le moment où il est avec Negasonic. Et qu'il est là, tu as bien pris ton petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Tiens, prends une barre céréale. Et voilà, le perso, pour moi, était fidèle, quoi. Il n'y a pas eu de. Tu vois. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, ah ouais, non, mais ils l'ont rajouté. Tu sais, genre, ça faisait. Il y a des personnages comme ça, tu sens. Quand c'est rajouté, tu sens quand c'est trop. Et ça se voit et ça. Ça pue la démagogie et ça pue le bonjour, je suis là pour faire plaisir au censeur. Non, là il y a eu vraiment beaucoup de blagues. Comme on disait, le moment où c'est la journée de la femme et que t'as sa copine qui l'encule. Alors tu le vois pas. On le voit pas. Enfin, c'est à dire qu'on on le voit sur le dos et. Enfin, sur le ventre, pardon. On voit d'être. Enfin, Wait sur le ventre. Et il y a sa nana qui lui dit, enfin il serre les dents, il y a sa nana qui lui dit bonne journée de la femme chérie. Et là on le voit serrer les dents, genre il fait non. Et on comprend ce qu'elle est en train de faire. Putain, 24ème, poum. Pardon, je viens de faire un daily run de Isaac, j'ai fini 24ème au niveau du temps, je suis très très heureux. Sachant qu'il y a une bonne quinzaine de personnes qui sont des tricheurs, je suis techniquement 9ème. Voilà, pardon. Oui, voilà, il y a des blagues quand même. Le coup de sa copine qui l'encule. Tu fais. Ouais. C'est pas pour les enfants, quoi. La bague de fiançailles. Est-ce que tu te souviens de la bague de fiançailles? Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est le coup où il lui propose de l'épouser. Et donc elle est là, au début elle dit pas oui, et puis il est là, il est genre j'aimerais bien une réponse, elle le regarde, elle fait oui. Et puis d'un coup elle le regarde et elle fait mais d'où tu la sors la bague? Et là t'as un plan, donc si tu veux on voyait que le haut de Deadpool qui a un t-shirt, donc on voit le t-shirt, et il y a un plan de derrière où on voit qu'il a un t-shirt et cul nu. Et on voit juste son cul en fait. Et là, je me suis dit, putain, oui, voilà, blague pour adulte. Blague pour adulte, quoi, ça m'a fait rire. Mais c'est pas pour les enfants, donc je pense pas qu'il y ait eu de censure, tu vois. Je pense pas qu'il y ait eu de moment où ils se sont dit, on va se censurer automatiquement. Et puis oui, encore une fois, la violence, putain, c'était ultra violent, quoi. Quand tu vois, il lui colle une balle dans la tête, le mec tombe au sol, t'as le cerveau qui se répand par terre. Le coup de la voiture aussi. La voiture qui fait des tonneaux. Quoi, elle filme. C'est, honnêtement, c'est une scène de cascade qui a la possibilité de devenir culte. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Clairement, elle est exceptionnelle. Et moi, ce que je retiens, alors autant il y a la blague de c'est la première fois de ma vie que je dis ça, mais n'avale pas. Là, tu fais putain, mec. Et il y a le mec qui s'écrase contre le panneau. À la fin de cette scène. Oui, c'est vrai. Il y a la voiture, il le tient par le slip, la voiture fait plusieurs tonneaux, et à la fin, il le lâche, et le mec s'écrase dans le panneau, ça devient une espèce de bouillie écrasée dans le panneau. Et moi, j'étais là, j'ai fait, putain, mais c'est gore. Dans le cinéma, j'étais choqué, je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore, aussi cru. Tu vois, il y a des moments où il coupe des têtes, tout ça, et c'est pas... c'est pas du Disney, il y a du sang, il y a des tripes, il y a du voilà, c'est ils ont vraiment mis la max, et donc j'ai des doutes sur le coup de la censure, tu vois. Et justement, je pense qu'ils se sont mis en R rating, en rated R, donc en interdit au moins de 17 ans en Amérique, pour justement pas être censuré, parce que en fait très souvent, ce qui se passe, hein, je vous spoil un petit peu sur comment ça se passe l'industrie du cinéma, si j'ai bien tout compris, mais quand un réalisateur propose son film, donc réalisateur, producteur, tout ça, il se met en tête un rating, donc une comment une façon. Enfin, le voilà, le moins de 10, moins de 12, le Peggy, quoi. Qui sont appelés ratings en anglais. Ah bah, je pense qu'ils ont clairement l'idée déjà du public ciblé, eux, quand ils arrivent. Voilà, mais aussi, quand ils arrivent au niveau de l'organisme, donc qui met la note, bah, c'est pas vraiment une note, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils disent, voilà, nous on a fait le film en pensant à tel truc. C'est pas juste, tu donnes ton film et puis ils te recontactent deux semaines plus tard en disant, bah voilà, on a décidé, votre film c'est ça. Non, non, le producteur ou le réalisateur ou peu importe a quand même un mot à dire en disant, moi quand j'ai fait ce film, j'ai pensé à ça. Et en face, les mecs vont dire, bah oui, ça colle avec le R, avec le PG, avec le moins 10, moins 12, moins 16, moins 18. Et nous, on donne tel truc. Et en parlant du PEG, pour 50 nuances de gris, tu sais, il y a eu un problème avec le PEGI. Possible, ouais. Parce que, en fait, quand il est sorti en salle, il n'était pas classifié. Pourquoi ? Parce que quand le film a été transmis, ils hésitaient entre le moins 16 et moins 18. Sais-tu pourquoi ? À cause des scènes de cul, je crois. Même pas ça. Même pas. Même pas ça, parce que comme c'était considéré plus comme de l'érotisme que de la pornographie, ils partaient sur du 16. Mais ils ont hésité avec le moins 18, pourquoi ? Parce qu'on voyait les poils de l'actrice. Je ne rigole pas. Et du coup, ils ne savaient plus si ça se situe au niveau de l'érotisme, qui montre sans montrer, ou du porno, tu vois quand même des éléments outre. Et comme l'actrice avait du poil, ils ne savaient pas. D'accord. Je ne rigole pas. Non, mais on va... Ouais. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Non mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas des masses. Oui, voilà. On va faire genre... C'était le mot de la fin, quoi. Non, mais voilà. Mais donc, au final, toi, Deadpool, pour finir... Ah ben je l'achèterai en Blu-ray et j'irai voir le 2. Il n'y a pas de... Honnêtement, moi je l'ai trouvé super. Je suis sorti de la salle, j'étais comme fou parce que j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je suis pas fan de la première heure de Deadpool, mais en tant que film, c'est un très bon film. Et du peu que je connais du personnage, le personnage est... Et respecté, de toute façon, je pense que c'était plus dur de faire pire que dans Wolverine Origins. C'était plus dur. Mais là, honnêtement, non, c'était... voilà, l'état d'esprit était là. Honnêtement, c'est un bon film. Enfin, je dirais pas un très bon film, parce que je m'emporte peut-être, mais c'est vraiment un bon film qui se regarde et qui se regarde sans peine. Hein. Et moi, tu vois, je vais dire ce que tu n'as pas dit. Pour moi, c'est un très bon film. Pour moi, c'est un très bon film parce que... Moi, enfin, après, c'est mon avis, mais moi, j'ai eu ce que j'attendais. C'est-à-dire un personnage qui n'hésite pas à lâcher des fucks toutes les 30 secondes, à lâcher des blagues, voilà, il se fait tirer dans le cul. Et il fait... je sais plus ce que c'est sa réplique à ce moment-là, mais c'est genre, oh non, mon pantalon, une connerie du genre. Avec des... comment ça s'appelle, avec des images violentes, avec vraiment tout ce que j'attendais. J'ai pas été déçu, et sur les 4 fois que j'ai vu, parce que oui, je l'ai vu 4 fois, enfin, il y a très peu de films que j'ai vu autant de fois dans ma vie. Il faudra peut-être que je le vois en VO, et peut-être qu'en VO, pour moi, ça sera un très bon film. En VO, il est vraiment excellent, mais la VF est très très bonne. Parce que ça, la VF est excellente. La VF est pas dégueulasse. Je pense que le potentiel humour des fois est légèrement gâché par la VF, parce que il y a des vannes que j'ai entendues dans la bonne annonce, tout ça, qui m'ont fait mais pleurer de rire, parce que avec l'intonation, avec les mots choisis, c'était à mourir de rire en VO. Et je trouve qu'en VF, du coup, ça passait pas pareil. Pour moi, c'est comme The Big Bang Theory, c'est-à-dire que tu regardes la VF, tu regardes la VO. Bon, la VF, outre, déjà, elle est pas terrible, mais t'as des vannes qui passent pas. qui ont pas le même effet. Et pour moi, l'exemple est la scène où il dit, où en gros, il demande au spectateur comment il en est arrivé là avec le mec embroché comme une, enfin, en brochette sur son sabre. Ben, ce monologue-là en VF, il est sympa, mais il a pleuré de rire en VO, juste le passage où c'est con, moi, ça mais je me laissais pas de le revoir, ce passage-là, parce que j'étais mort, où il dit chiche kebab. Like chiche kebab. Oui, oui, oui. Bah après, c'était con, tu vois. En VF, ils ont dit comme un kebab aussi, donc. Le truc. Ouais, mais tu vois. Moi, j'ai cette. Je te coupe un très rapidement, mais. J'ai regardé aucune bande-annonce. Là, j'avais vu le teaser de la bande-annonce. C'est-à-dire le moment où Deadpool est en train de dire voilà, la bande-annonce sort demain. Ça a été produit par le studio qui a baisé Deadpool la première fois. Ça m'avait beaucoup fait rire. Et quand la bande-annonce était sortie, je m'étais dit non. Non, non, non, je vais pas la regarder. Et. J'ai eu ce entre guillemets problème la première fois, c'est-à-dire que certaines blagues qui m'avaient fait rire à pleurer la première fois que j'ai vu le film, trois jours plus tard, je les attendais tellement que quand je les ai revues, j'ai fait ah bah en fait c'était c'est pas que bah, c'était pas après, drôle mais je savais que la blague était là donc ouais mais comme tu parce qu'en fait tu les je pense que le rythme de visionnage a été quand même assez soutenu. Ah oui, le rythme de visionnage la deuxième fois, je me suis pas emmerdé non plus hein, clairement c'est pour ça, c'est-à-dire que Deadpool la deuxième fois non plus. Voilà. Mais le truc, c'est que effectivement, ça n'aura pas le même effet que si tu avais vu le film et que tu l'avais revu un mois, deux mois après. Ou là, toi, tu as toujours cette espèce. Deux mois après, quasiment. Je l'ai revu deux mois après, je vais probablement même le re-regarder ce soir. Avec de la chance. et la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire le mois dernier, j'ai toujours autant ri, tu vois. Ça m'a toujours autant fait rire. Parce que bon, je connaissais les blagues, mais je les trouvais toujours aussi drôles. Et en VO, c'est vrai que c'est drôle. Mais le. Parce que, ouais, moi, parce que je trouve là, que les intonations sont pas. Ouais, mais les intonations sont pas les mêmes. Bah oui, parce qu'on n'a pas la même. Mais après, il n'y a pas un écart grandiose entre la VF et la VO. Et voilà, la VF est totalement louable. Mais c'est vrai que voilà, moi je sais qu'il y a des trucs dans la. Enfin, en plus, ce qui est bien, c'est que la bande-annonce ne montrait pas non plus tout le must du film, donc c'est une bande-annonce qui était très très bien faite. Mais c'est vrai que voilà, il y a des vannes que j'attendais parce que elles m'ont fait rire, mais elles continuent de me faire rire. J'avais beau les voir, je les attendais du coup dans le film et ça voilà, m'a fait rire, mais ça m'a pas autant fait bidonner qu'en VO. Pour moi, c'est l'attente en fait, c'est le coup de tu attendais la vanne, tu la connaissais, tu savais qu'elle était là, donc quand elle est arrivée, tu t'es dit, enfin, c'est pas la même chose, c'est. Il y a pas mal de films. Oui, puis je sais pas, en VF, je sais pas, ça m'a fait marrer, mais je fais, ah putain, ça aurait été en VO, mais j'aurais été bidonné, quoi, parce que c'était génial, enfin, c'était mais l'intonation, les mots choisis, voilà, c'est, moi, j'étais, voilà. Mais après, bon, c'est pas outrageant, c'est pas, voilà. Ça passe. Mais c'est donc ça, un bon film. Moi j'ai vu c'est vrai après je pense que ça dépend de la personne qu'on est mais je disais tout à l'heure je suis allé voir The Dictator, je l'ai vu au cinéma en VF je me suis pissé dessus de rire, je l'ai revu en VO après parce que du coup j'ai dit à ma mère tiens voilà on va le regarder ensemble. Ça a très peu fait rire ma mère, mais moi je l'ai vu en VO, je pissais dessus de rire aussi. Et maintenant, c'est vrai que quand je le revois en VF, je me dis. Il manque un petit truc, tu vois. Il manque un truc, mais il y a pas mal de. Voilà, moi, de trucs qui m'ont fait rire. Qui m'ont fait rire. La VO est drôle aussi. Et on va finir sur juste le petit truc que j'ai là. Que j'ai, c'est clin d'œil et référence. Clin d'œil et référence. Bon, déjà, est-ce qu'on va parler des 50 millions de références à Green Lantern ? Est-ce que c'est nécessaire ? Dès le début du film, on voit une image de. D'un personnage en Green Lantern qui est clairement Ryan Reynolds. Hein. C'est Ryan Reynolds. Quand il va subir sa transformation, il demande à ce que, s'il vous plaît, ne faites pas de moi un personnage en effet spéciaux vert. Donc là, tu fais putain, c'est débile. En même temps, c'est pas compliqué, parce que vu qu'il casse le ce qu'ils appellent, c'est le quatrième mur, c'est ça? Le quatrième mur, oui. Vu qu'il casse le quatrième mur, il ne peut être que bourré de clins d'œil, ce film. Voilà, il y a le moment, la figurine de Deadpool, du X-Men Origins. Oui, en porte-clés. Non, c'est juste la petite figurine qui est posée sur la table. S'il a une petite figurine, à un moment, il est en train de faire ses affaires pour partir. Oui. Quand il a appris pour sa maladie. Et il a une figurine de Deadpool qui est posée. Et la caméra fait vraiment un gros zoom dessus. Il y a un gros plan sur la figurine. Et Wade la prend et la jette. En mode, allez, tiens, dégage. Bon, bah voilà, hein, forcément, référence Matrix quand il tombe sur le mec qui lui fait Agent Smith. Je pense que voilà. Il y a aussi un passage. J'ai cru que j'allais mourir quand il voit Negasonic Teenage Warhead la première fois. Ah, techniquement, c'est la deuxième. Oui. C'est la deuxième quand il va au manoir des X-Men. Et il tape, la porte s'ouvre, c'est Negasonic, et il fait « Bonjour, Sinéad O'Connor, 1990 ». Et donc, pour ceux qui ne savent pas, Sinéad O'Connor est une chanteuse qui a chanté... Alors, si je dis pas de bêtises, je croyais que c'était ça, je dis peut-être une connerie... Non, apparemment, c'est une chanteuse solo. Très bien. Il me semblait que c'était la chanteuse de... comment ça s'appelle ? Putain, le groupe qui a fait Zombie. Cranberries. Oui. Il me semblait que c'était la chanteuse de Cranberries, non. Mais voilà, c'est une chanteuse qui a les cheveux courts. Et à la fin du film, il l'appelle Ripley dans Alien 3. Parce que pareil, Ripley dans Alien 3, elle a les cheveux courts. C'est je trouve ça très drôle. Oui, il y a le moment où Deadpool va être emmené au manoir et qui dit on va t'emmener pour voir le professeur Xavier. Ah putain, j'étais mort à ce moment-là. Ah, j'ai pleuré où il fait Patrick Stewart, James McAvoy, on s'y perd un peu dans la continuité. Ça, j'en pouvais plus. Bon, bah, il y a toutes les références à Wolverine. Ah, bah oui, forcément. Forcément, où t'as homme de l'année, tu vois, comment Hugh Jackman, à la fin, quand il enlève son masque. Qu'elle lui dit, sa copine Vanessa lui dit, enlève ton masque. Il fait, je veux voir ton vrai visage. Il enlève son masque. Et on a la vision de derrière, on voit un espèce de truc sur son visage, mais très très très doucement. Et il fait ce visage-là, et la caméra repart devant lui, et il a la tête de Hugh Jackman qui lui est agrafée sur le visage. Moi, j'en pleurais de rire. Mais ce qui m'a fait le plus rire, et ce qui a fait le... Ah, si, aussi, tiens. Sur le tableau. Le fameux tableau de la Deadpool. Oui. Dans le bar. Est-ce que tu as relevé les noms qui étaient sur le tableau ? J'ai pas fait gaffe. Alors, donc on a Reynolds R. Lohan L. Donc pour Lindsay Lohan. Cyrus M. Oh putain. On a Tyson M. Laveouf S et Osborne O. Je suis désolé, mais c'est énorme. Les mecs ils se sont fait plaisir, mais la meilleure référence, c'est tu dors pas ? Non, j'ai fait un cauchemar. C'était avec Liam Neeson, on lui enlevait sa fille. Trois fois, il fait vraiment un mauvais père. Je pleurais, j'étais en train de pleurer dans la salle, ma copine me serrait la main tellement fort, j'ai cru qu'elle allait casser. Tellement c'était énorme. On pleurait tous les deux dans la salle, quoi. Et c'est resté vraiment, mais le moment, mais énorme, quoi. Ce moment référence à Tekken, tu fais, mais c'est parfait, mais Ryan Reynolds, mais épouse-moi, s'il te plaît, quoi. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque, quoi. Ça m'a fait pleurer de rire, mais d'une force. Ça m'a fait pleurer de rire, mais d'une force. C'était génial. Et voilà, c'était juste le petit trivia. Le petit trivia pour le film. Et moi, si j'avais une chose à dire, c'est... Voilà, c'est pas un film pour les enfants. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. C'est tellement ce que j'attendais. J'avais tellement peur d'être déçu, en fait. J'avais vraiment une appréhension quand je suis allé dans la salle, quand je suis entré dans la salle. J'avais une énorme appréhension. J'étais en train de me dire, putain, faites que ce soit pas de la merde. Non, puisque je pense que ce qui joue beaucoup, c'est que tu le sens, mais c'est vraiment, c'est l'impression, tu le sens, que Ryan Reynolds a vraiment pris son pied à jouer. Ah oui. Mais tu le sens, mais comme un gamin. Tu le sens, mais comme un gamin. Tu sens tu le sens, quoi, que le mec, il était, mais. Pour lui, à mon avis, chaque jour de tournage, ça doit être Noël, quoi. Ah, mais c'est ça. Pour moi, ça a été ça. Et c'est là, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur. Fifty Shades. Fifty Shades, déjà, c'est un film malsain en soi. C'est un mauvais film, puisque le film essaie de se vendre en tant que film à scénario. Malheureusement, il n'y en a pas, hein, soyons d'accord. Mais surtout, il y a un malaise au niveau des acteurs. On sent qu'il y a... Ah bah, tu sens... Tu vois, tu sens que ça va pas. Il y a un truc qui colle pas. Bah, de toute façon, moi, je te dis, mis à part si la foi a changé ou si c'était un wax, mais le mec qui joue le personnage de Christian Grey, c'est ça ? Il a rompu son contrat. C'est-à-dire qu'ils vont faire un 2, mais ils ont changé d'acteur. Parce que le mec a dit clairement qu'il ne voulait pas rejouer dans cette merde. J'ai peur que ce soit un hoax, parce que moi j'en ai pas entendu parler, mais. Mais c'est pour ça. Moi j'avais vu ça, à confirmer, je sais pas si. Voilà. Mais le mec avait dit clairement que c'était hors de question qu'il continue, qu'il avait c'était vraiment un supplice le tournage, et que voilà, c'était mort, il ne continuerait pas. Je pense que c'était un hoax, parce que je suis en train de chercher, je trouve rien. Mais le truc que j'ai lu et qui est véritable pour le coup, c'est que l'acteur qui jouait Grey, enfin qui joue Grey, Et la femme qui joue. Non, tu vois, il est toujours confirmé comme dans 50 nuances plus sombres. Bon, c'était un hoax alors. Mais le mec qui joue Grey et la nana qui joue Anna, je crois. Oui, je sais. Même pas. Enfin, Dakota Johnson, Jamie Dornan et Dakota Johnson, donc les acteurs de Fifty Shades, se détestent dans la vraie vie. Ils se détestent complètement et la promo du film, il suffit de regarder la promo du premier film pour voir que ça a été une catastrophe. Ça a été une véritable catastrophe. C'est ça. Jamie Dornan précise que les scènes osées et nues de ce film sont très délicates à tourner, qu'elles ont été réalisées à la fin du tournage afin que les acteurs soient plus à l'aise. Il précise pour lui, Grey est un type fêlé. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment. Vraiment, déjà, c'est pas fait. Et surtout, il n'y a pas cette alchimie qu'on a à l'écran qu'on va avoir, par exemple, devant Ryan Reynolds et... Devant, pour le coup, Wade et Vanessa. Honnêtement, je pense qu'il était tellement dans le projet qu'il a dû communiquer sa niaque à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment dont j'ai ces acteurs. C'est-à-dire que le casting est bon, que Ryan Reynolds, qui est la tête d'affiche, croyait à fond dans le projet, s'est donné à fond. Donc derrière, même si toi t'es là, enfin tu peux être un bon acteur, mais tu te dis bon, je connais tu suis le truc. Quand tu joues, quand t'es acteur et que tu joues, t'es aussi porté par le jeu de l'autre. C'est-à-dire que voilà, si t'en as un qui est si tout le monde est surgonflé, ben là, il n'y a rien à dire, mais il suffit qu'il y en a un qui soit surgonflé, ça surgonfle tout le monde. Ah, mais complètement. Complètement, et ça fait tellement, tellement plaisir. Et c'est pour ça que c'est surprenant. C'est pour ça que c'est surprenant, mais c'est pour ça que j'aimerais le voir. Parce que Ben Affleck et merde, celui qui joue Superman. Oui, Superman, quoi, on s'en fout. Voilà, les deux acteurs sont dans la vie très proches. C'est ça. Dans la vie, ce sont de super potes. Et pour eux, tourner ce film-là, ça a été génial. Qu'ils jouent ensemble, tout ça, ils avaient beau jouer des ennemis, hein, entre guillemets. Voilà, ils sont super potes, ils étaient super contents de jouer ensemble. Et c'est pour ça, moi, j'ai envie de voir, parce que je me dis, bon, est-ce que, après, le film peut être un film agréable à voir si cette alchimie, tu la sens aussi à travers le jeu des acteurs. Bah, t'as des films, honnêtement, le scénario et le visuel, c'est de la merde, mais derrière, les acteurs sont bons quand même. Ah, mais complètement. Et de toute façon, là, clairement, Ryan Reynolds, on voit qu'il est impliqué, mais tellement, mais il a 300% dans le projet. Le mec, il s'est déchiré. C'est bon à voir. Ça fait chaud au cœur, en fait. Mais c'est ça. Mais pour exemple, tu prends The Expendable 2. Alors, l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario. Il n'y a rien. Mais j'ai adoré ce film-là. Pourquoi ? Parce que tu sens que les mecs, ils s'éclatent. Ah, mais c'est ça. C'est con. C'est des icônes du cinéma, des icônes du cinéma d'action. Et c'est bourré d'humour et de second degré d'autodérision à un stade. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un film. Et les mecs, tu sens qu'ils s'éclatent. Et c'est pour ça. Enfin, le 1, j'ai trouvé, mais nul à chier. Mais dans tous les sens du terme. J'ai un pote qui m'a dit, viens, on va voir le 2. J'ai fait, putain, j'ai vu le 1. C'était de la merde. Y a rien qui m'a retenu sur le 1, quoi. Y avait pas drôle. C'était pas, voilà. Et le 2. Et c'est pour ça, je suis même pas allé voir le 3. Je me suis arrêté au 2. Parce que le 2, je l'ai trouvé. C'est une perle. C'est génial. Et parce que les mecs s'éclatent. Et c'est ça qui fait la différence entre le 1 et le 2. Je pense que le 1, ils étaient pas dedans. Enfin, ils étaient pas spécialement dedans. Ils savaient pas trop où ils allaient. Voilà, c'était du tac tac boum boum. Je pense qu'ils se faisaient un peu chier, quoi, les mecs. Donc, tu le sens. Y a pas d'histoire, y a pas de machin. Et les mecs, ça s'emmerde. Et t'as un film qui a chié. Et puis t'as le 2, quoi. Où là, je pense que ils ont changé l'état d'esprit. Ils se sont dit, bon, allez, on s'en fout. On déconne. La déconnade. Et ça marche, quoi. Ah, c'est-à-dire que le scénario, il tient sur une feuille de PQ. Ouais, sur une baguette chinoise, il y a un scénario. Et pourtant, le film, voilà, est bon parce que, ouais, tu ressens l'énergie des mecs, quoi. Tu sens que les gars s'amusent. Et c'est ça aussi, c'est que, voilà, Deadpool, il y a une ligne directrice. Sans dire de scénario, il y a une ligne directrice, mais derrière, voilà, les acteurs sont bons, quoi, ils s'éclatent, et puis, voilà, et puis au final, c'est un scénario classique de film de super-héros. C'est le mec qui veut sa vengeance. Ouais, mais c'est ça. Mais même ça, c'est marrant parce que c'est un truc tellement classique, tellement toi, c'est scénario badass que le mec qui veut récupérer sa copine, il veut se venger, tout ça. Et le héros, c'est un personnage tellement décalé que il y a un contraste de ouf qui se joue et c'est drôle et c'est bon, quoi. Il y a un contraste qui se joue. Du coup, ça passe. Personnage et ce qu'il fait, quoi. C'est ça. C'est moi, rien que ça dans le film. C'était pas drôle à ce moment-là, mais quand le mec il dit ouais, je veux me venger de l'autre qui m'a fait ça, et en plus je vais récupérer ma meuf qui l'a enlevé, c'est totalement louable. Quand il dit ça, y a rien de drôle. Dans un autre film, tu rigoles pas à ce moment-là. Moi j'étais mort de rire. Parce qu'il t'annonce ça comme une quête héroïque. Il dit, mec, c'est pas lui, quoi. T'es même pris par surprise parce que tu t'attends à ce que le film repose sur tout, sauf sur sa volonté de récupérer sa meuf. Ouais, il veut sauver sa meuf. C'est parfaitement louable. C'est super noble comme geste. Mais tu t'attends à tout, sauf à un truc noble de sa part. C'est ça. C'est pas le mec qui lui aurait volé sa poêle fétiche pour faire ses chimichangas. Bon, bah là, t'aurais compris. c'était carrément dans le thème, quoi. Non, mais c'est, j'aurais plus vu ça que le sauvetage de la demoiselle en détresse, quoi. Mais ça passe. Ça passe. Mais ça passe. Et voilà. Et c'est, non, franchement, ouais, non, c'est un beau film. C'est à voir, à revoir. C'est la bonne surprise de l'année 2016, quoi. J'espère qu'il y aura d'autres bonnes surprises, parce que 2016, ça a l'air d'être une année au niveau tout du moins des grosses licences, enfin des bonnes des licences, qui a l'air d'être riche. Oui. Quand tu regardes l'agenda, cette année, enfin 2016, c'est quand même, c'est la grosse race, hein, 2016. Tu vois le truc, tu fais, putain de ouf! Et je me dis, voilà, j'espère que ça va être plus de bonnes surprises que de mauvaises. Bah, de toute façon, on va finir là-dessus. La meilleure surprise du film, c'était pas Deadpool. C'était pas Ryan Reynolds. C'était le premier rôle parlant. J'ai oublié son nom. Le premier rôle parlant. Tristesse. De Stan Lee. C'était la première fois dans un film Marvel où il parlait. Ah, il me semble qu'il y avait très rapidement, il avait une petite phrase dans Amazing Spider-Man 2. Oui, du genre, il a déjà fait des apparitions où il balançait un mot ou une phrase. Ouais, mais voilà, là c'est vraiment. En fait, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Et surtout au moment où on s'y attend pas. On s'y attend vraiment pas. C'est-à-dire que moi j'ai vu un caméo. Je sais plus à quel moment il intervient. Bah, c'est dans le club de striptease. C'est le DJ du club de striptease. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu sais, qui fait « Accueillez, machine !» J'étais genre « Non !» C'était vraiment, mais tellement cool, quoi. Et voilà. Non, mais c'est... Là-dessus, on s'arrête là-dessus. Et puis voilà, c'est... Un plaisir. Un plaisir, et on en espère avec ce qui nous attend en 2016. Parce que honnêtement, au niveau du cinéma geek, on peut dire ça comme ça. Cinéma geek, c'est quand même une bonne année. Ah, c'est une très très bonne année. C'était une très très bonne année. Sur l'expectative. Oui, voilà. Voilà, maintenant, c'est on espère que. Batman versus Superman, c'était pas ça. Il en reste d'autres à venir, des films. On espère qu'on ait continué à être le plus souvent possible agréablement surpris. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, on va se faire sur ce. Et puis, voilà, on se fait plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine. Même heure. Et trouvez par n'importe quel moyen. Hein, c'est pas nous qui allons vous blâmer. Le moyen de voir ce film dans la semaine qui suit pour nous attendre lundi prochain. De toute façon, je pense que les gens l'ont déjà vu. Bah, si c'est pas le cas, sincèrement que la plupart de nos auditeurs qu'ils le regardent encore une fois pour nous attendre en attendant lundi prochain 21h. C'est, voilà, pour un nouvel épisode des enquêtes impossibles. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Des bisous.